quelques minutes la suite de l'émission, pendant que le réglage s'effectue, pour la suite des enregistrements qui vont suivre au sujet du théâtre. Ça sera une soirée donc consacrée essentiellement au théâtre du peuple, d'abord, en grande partie, mais il y a bien d'autres actualités de théâtre qui se déroulent aussi. Et demain c'est la finale du théâtre du peuple. On va encore dimanche autre chose dont je parlerai, qui est le bal littéraire. Et puis il y aura également d'ici demain aussi la fin du plateau ivre. Je suis même pas allé cette année, donc j'y vais demain. C'est sûr, pour me rattraper. Il y a une soirée entière à partir de 16h, il faut y être jusqu'à minuit, quoi. Il y a plusieurs choses, il y a un repas. Aller au plateau ivre, c'est une soirée époustouflante et je pense qu'il fera beau, en tout cas que le ciel sera clément. Voilà, ça c'est pour ce qui va se passer très prochainement. Et puis, il n'y a pas que l'Hôtel du Peuple, mais il y a beaucoup d'Hôtel du Peuple, évidemment, c'est notre centre. Et puis, je vais commencer par diffuser un enregistrement que j'ai pris à Contrexéville, il n'y a pas si longtemps que ça. C'était lié aussi, c'est en rapport avec Busson, puisqu'il s'agit d'un texte de Maurice Potcher, Le Château de Hans, et c'était par la troupe du Joli Môme. Et je sais que prochainement, Louis Feuthet et ses compagnons et compagnes vont donner le château de Hans, à la fin du mois. Je n'ai pas leurs horaires là, aïe aïe aïe, mais regardez bien la presse, et tapez Joli Môme sur internet, vous trouverez, ou Château de Hans, plutôt Joli Môme. Je vous conseille cette pièce très fraîche, qui est une reprise de Maurice Potcher, et Maurice Potcher, fondateur du Théâtre du Peuple aussi, on tourne toujours autour. Simplement, cette pièce du Château de Hans n'a plus été reprise, à ma connaissance, depuis 1975, au Théâtre même, du Peuple, où je l'avais vu pour la première fois, remarquable, époustouflant, enfin, impressionnant plutôt. Je l'ai moi-même reprise dans le parcours Maurice Potcher de la Jeunesse Éternelle, que nous avons donné les années dernières, au lac de Blanche-Mer notamment, par deux fois. Et à Busson, bien sûr. Alors voilà, un petit peu, je tousse hors micro, donc vous n'entendez pas, si, là oui. Donc, maintenant, un petit bout du Château de Hans par les Jolis Mômes. Ordi jaune, mais oui, c'est celui-là, Et oui, parce qu'il est, quand il n'est pas bleu, il est jaune, voilà. Alors, bonjour messieurs, dames. Bonjour. Bienvenue à la représentation du château de Hans par la compagnie des Jolis Mômes. On va commencer le spectacle. Pour qu'on ne soit pas dérangé, pensez à éteindre vos machins qui sonnent, là. Et à tout à l'heure. Bon spectacle, messieurs, dames. C'est super. Vas-y, Pourquoi moi? écoute, t'as une guitare dans les mains. Bah oui, tu sais jouer de la guitare. Juliette, elle a un ukulélé. Mais oh. Non, mais c'est pas pareil, oui. Le ukulélé. La guitare, c'est plus gros, Guillaume. C'est pas la taille qui compte. Oh. Oui, bah, le metteur en scène a décidé, t'y vas. Allez, allez, allez, allez. Connaissez-vous de Hans l'histoire dont Lucifer garde mémoire, le seul témoin de notre gloire, de notre vaniteux espoir. Connaissez-vous de Hans l'histoire, venez entendre, venez entrer. Oh Lucifer garde mémoire, venez entendre et raconter. De sa longue vie il fut si bon, de toute sa moelle jusqu'au trognon. De sa longue vie il fut si bon, à la fois colombe et pigeon. De sa longue vie il fut si bon, venez entendre, venez entrer. De toute sa moelle jusqu'au trognon, venez entendre et raconter. Tantôt héros pour les braves gens, ou raillerie pour les parents. Grondant un vertueux enfant, comment tu seras quand tu seras grand. Tantôt héros pour les braves gens, venez entendre, venez entrer. Ou raillerie pour les parents, venez entendre et raconter. Le château de Hans, acte 1. Tu ne trouveras rien par ici. Nous y avons coupé et tiré des troncs toute la semaine. Sur tout ce qui pouvait être écrasé, nous sommes passés 10 fois. Des murs. Dis quelque chose, Hans, c'est ton tour. Je ne sais pas parler. Il le faudra bien. Pourquoi ? Pour m'avouer tout ce qu'il y a dans tes yeux. Je suis transparent. Elle a tout vu. On est bien. On mange. On est très bien. On mange très bien. Je sens dans mes bras mes os qui se donnent des coups de tête. Lise, j'ai soif. J'ai le cul qui a perdu son caoutchouc. Le mien est une bouche douloureuse. Je suis assis sur mon cul et sur une souche. Je suis une bûche sur une souche. Où est Hans ? Il doit traîner quelque part. Il va toujours n'importe comment. Où ? Il pisse. Il est comme ça, Hans, à se cacher pour pisser, à faire pleurer les fontaines et les jeunes filles amoureuses. Qu'a-t-elle ? As-tu vu, Hans ? Il n'y aura bientôt plus rien pour lui. Hermann s'est jeté sur la saucisse. Il était là-bas et puis je suis partie. T'as joué rouge ? C'est de grimper, je cherche des murs. Qu'a-t-elle ? Oui, maman. À la maison. Il te reste les haricots et la lessive. Oui, maman. Je te raccompagne, veux-tu ? Je sais le chemin. T'ai-je déjà raconté cette fois où j'ai fendu un tronc si énorme qu'on aurait pu y loger une famille entière ? Hans, l'ami. Assieds-toi. Merci. Tu vas pas me te faire ta boule au prix du lapin là. Oh, j'ai qu'à pas me la faire à l'envers comme ils disent les Alsaciens. Tu parles à personne là. Y a que les branches et le vent dans ta tête, voilà tout. Eh, vous savez pas dire bonjour. Bonjour Kibi la vieille. Bonjour brave Hans. Voilà un homme dont le cœur n'est pas poussière. Vous devriez prendre exemple, mauvais que vous êtes. Va pas chauffer la marmite de ma poêle. La marchande de bois, là. Dis la vieille, ton étoile est mauvaise. Elle ne brille qu'à demi. Comme les étages éclairés de ta tête. Rassure-moi, tu passes la frontière. Tu rejoins les Alsaciens, à jamais. Bon. Tu leur apprendras ta soupe aux orties. Ça leur fera péter leurs sous. Ouais, ça va, la bûcheron du diable. Oh, la vieille. Je vous aide un bout. Ah, oh, bah je veux bien. Je t'ai déjà raconté la fois où l'Alsacien a essayé de me vendre à la poule au prix d'un lapin. Es-tu là, dans ta cave? Allez, sors, vieux rat! Qui m'appelle? Qui gratte et court? Est-ce toi, Til? Oui, da! Sors de ton trou, l'ombre te tire la mine! Que me veux-tu? Rien, te voir! Bonjour, Til! Bonjour, Prol! Bon, bah, si fait! Ah, tu t'en vas! Non! As-tu quelque chose d'important à me dire? J'ai en bas de l'ouvrage, de la peine, du taf, du boulot! Ouais! Est-ce que tu connais cela? Je traite une vache, tantôt. Tu ne sais pas mentir, a-t-il? Le travail, c'est toi, mais que fais-tu pour secourir le monde et ses braves hommes? D'aller que je bats avec sa crème la meilleure. Je fais une motte de beurre pour un fermier qui ne l'a pas. Oh, bon petit troll. Oh, oui, vas-y. En bas. Oh, ne te moque pas, hein. Non, si. Oh, la terre tournera sans toi. Allez, viens manger du fromage. Fromage? C'est du bon, hein. Ah, ouais. Oh. Allez, viens. Non, je le donnerai pas. C'est du bon. Bon, allez, juste un petit bout, alors vraiment un tout petit bout, hein. Bon, je l'ai volé, c'est meilleur. Sale petit gnome. Risquer sa vie, c'est vivre. Oh. Ah. Hey, toi, qu'as-tu fait depuis le soir? De très bons tours. Chatouillé d'un épi de seigle, main nez trop long, trop gros, trop court, qui vibrait comme des tambours ou ronflait comme des cigales, au fond des couches conjugales. Ah. Que les épouses assoupies te remercient. Et subtiliser d'un doigt malin les perruques du curé qui défend qu'on danse à la fête pour aller la glisser sous l'oreiller de la sous-préfète. Oh! Oh, Til! Oh, ça c'est coquin, ça! Écoute encore. Vider d'un trait le tonneau de vin d'un ivrogne à la soif sans fin et lui donner de bons coups de pied au derrière s'entend bien pour le faire avancer jusqu'à chez lui, où sa femme pourra le battre comme il se doit. Paf! Aïe! Paf! Ouille! Paf! Aïe! Paf! Oh. Ouais. Hein? Fromage. C'est bon. Oh, de gentils petits gnomes, ça trompe l'ennui. Leur cœur sensible ne cesse de lutter. Une violence gratuite, ils bondissent. Une mort, ils s'agenouillent. Et moi, le diable qui apparaît, vous allez voir. Messieurs! Sans troll? Oui, da, c'est très froid. C'est très sombre. C'est cramé. C'est tragique. Ah! Le vieux boiteux. Le mauvais ange. Ah, qu'est-ce qu'on fait du fromage? Je vous sens ému. Nous sommes pourtant cousins. cousin. Diable et gnome. Pardon ? Roll est adroit. Jill est plein de ruses. Mais nous avons un autre emploi que de créer terreur et désolation. Roll frotte et bêche. Tourne le pot au feu et rapièce au goût de les gilets. Jill est joie. Je fais rire les vieilles. Une dernière fois. Elle pousse à la farce les enfants timides. Nous sommes l'arrière-boutique du monde. Je me moque de vos usages, j'écrase vos vies. Connelly, nous sommes éternels, poil au ciel et à l'enfer. Gnome à large gueule, n'avez-vous pas la frousse qui pousse? Je suis le diable et la mort et la désolation et la tristesse infinie et le désert de sentiments. Ta grand-mère qui meurt, c'est moi. Ton chien écrasé, c'est moi. Ton bébé étouffé dans ses cris, c'est moi. Oh. Nous sommes deux. Ah ouais, et toi t'es tout seul. Et 1 plus 1 égale 2. Et 2, c'est plus fort que 1. Poil au lointain. Wow. Petite race enchantée, gnome sans confession, insecte trop heureux, si je pouvais... Vas-y, rappelle. Tu ne peux pas nous tuer. Nous sommes béton éternel. Je m'ennuie à moisir. Ne te reste-t-il rien à frire? Quelques tranches de bons hommes à dorer. Des steaks de braves gens à saisir? J'ai cessé de souffler sur le feu. Plus personne n'y croit. L'enfer, c'est en moi que je le porte. Mais ne prends-tu pas plaisir, diable aux pieds de feu, à pourchasser et tenter les hommes? Tous les hommes d'eux-mêmes courent au feu. Je n'ai qu'à m'asseoir, les regarder courir et griller. Non, pas tous. Bah oui, il reste encore beaucoup de braves gens au cœur honnête. Beaucoup. J'en vois au moins un. Jill, non. Jill, tais-toi. Non. Il n'est pas loin. Non, non. Jill, j'ai dit non. Tu te tais. Jill, tu te tais. Il s'appelle Hans. Ah oh non. Ne t'en fais pas. Hans ne craint rien du diable. Ou que le diable m'emporte. Allez, viens. Pauvre petit Mais Hans. Allez, viens. Oh. Les oiseaux qui sont joyeux, que j'aime au loin les entendre, construisant leur nid soyeux. Et chanter le matin tendre, ah, si les demoiselles, ah, dès comme des ailes, ah, si les demoiselles, ah, dès comme des ailes, oiselet, oiselet, qui sait où je volerai, oiseau, je te soignerai. Sur les plis de mes jupettes, avec toi je volerai dans une escadrille muette. Oh, vois comme il sommeille, oh, près de moi s'éveille, oh, vois comme il sommeille, oh, près de moi s'éveille, oiselet, oiselet, près de toi je resterai. C'est très joli la forêt. C'est très beau. En haut, en bas, tout resplendit et tout bourdonne. Et l'on dirait que les arbres tendent leurs bras. Ils vivent, en effet. Tout est vivant. Ton nez sourit, Katel. Je ris tant que je peux. Hans, sois franc. Comment me trouves-tu? Pas mal, pas mal du tout. Pas mal? Bien, très bien même. J'ai la joue un peu rouge. Non. Si, je le sais. Les demoiselles de la ville ont le teint pâle. Écoutez, qui chante ainsi? La mésange. Qui lui répond ? Le lino. Il a l'air timide. Pourtant, il ne l'est pas toujours. On jurerait qu'il se parle. Il se parle, c'est sûr. Que dit le lino ? Que les nids sont doux dans le vieux être vert, qui de la pluie et du vent les protège. Et la mésange ? Où faire un nid qui soit riant et haut, où le bonheur ne se lasse ni ne change ? Où faire un nid, le sais-tu, toi, lino ? Et le lino répond : si je le sais, oserais-je le dire ? Si je le dis, toi, m'écouteras-tu ? Toi que j'admire. Continue, le lino chante encore. Mon nid à moi n'est ni haut ni soyeux, mais il me plaît et nul ne me l'envie. Et si l'amour fait seul les nids joyeux, alors le mien sera joyeux toute la vie. Hans. Qu'a-t-elle ? Je ne sais pas les belles phrases qu'il faut dire aux jeunes filles. Je te dis tout simplement que je t'aime. Tout simplement ? Le lino a parlé. Que dit la mésange ? Que le lino chante si bien qu'il faut qu'on l'aime. Cet homme-là est peut-être bon, mais il a un faible. Il ne bougera pas. Sa cattelle, je lui enlève. Comme n'importe qui, il se bat. Il écrase son prochain, défend son beefsteak et pense à lui avant tout. Que nenni ! Hans est plus fort. Vraiment bon. Bienveillant. Généreux. Brave. Et beau aussi. Oh, oui, oh, oui, oh. Ce n'est pas n'importe qui, Hans. Votre bûcheron à la mine grise, c'est un travailleur capable du pire, comme tout à chacun. Tu paries, le diable ? Oh, bonne idée, est-il ! Il m'énerve avec sa lâche morale. Dis-moi quoi ? Je parie 1000 ans de vie pour Hans. Avec sa cattelle ! Dans un château, tant qu'à faire. Je parie donc que je le ferai céder, qu'il pensera à lui avant tout, et créera du désordre chez un autre. J'aurai 3 chances. 2, c'est dit. 3, j'y compte bien. La pièce compte 3 actes. Oh, qu'importe l'ordre du théâtre. Mais... c'est d'accord. Frôle. Oh, ne t'inquiète pas. Hans est costaud. On va bien s'amuser ces 20 prochaines années. Bon, d'accord. Je crache, c'est promis. Comme le diable peut promettre. Tu verras, Frôle. L'amour vaincra la haine. Bah, bien sûr ! C'est pour ça que nous sommes là. Oui. Mais on ne devrait pas raconter la fin. Et fraîche version, une belle version. Donc, et justement, dans le rôle de Hans, nous avions notre ami Serge qui était là, qui faisait le poème du bateau ivre, et il était Hans récemment dans les montages que nous avons fait sur Maurice Potter ou La Jeunesse Éternelle. Quant à Till et Frôle, ce sont nos amis qui sont à la radio aussi, Dominique et Félicie, qui les faisaient aussi. Alors, c'est des textes qu'on connaît très bien, qui sont très touchants. Et la version qu'en a fait Louise Fauté, elle reprend à peu près, avec quelques libertés, mais très, très, très dépoussiérantes, comme on dit, le texte de Maurice Potier, le message de Maurice Potier, l'amour qui vient à la haine. Je trouve que c'est très rafraîchissant, et vraiment, c'est très sympa. Là, j'avais un entretien avec Thiel et Froll, je vous le passerai une autre fois, et là, ben, c'est quelque chose de très remarquable, hein. Voilà. Alors, ça va passer bientôt dans la plaine. Je sais pas exactement où. Regardez le journal. Ou alors je vais regarder sur les sites moi-même pendant que je parle de la suite de l'émission. Alors oui, le Château de Rennes, j'aurais bien aimé qu'il vienne à Bussan d'ailleurs, cette version pour les Journées du Patrimoine. J'avais demandé à Louise, mais Louise qui joue la vieille. Tante Kibi, très bien d'ailleurs, Louise qui est la chef de troupe, les jolis mômes, Louise elle sera occupée à autre chose, vu la rondeur de ses formes, ma foi, à l'heure actuelle, j'en dis pas plus, donc on pourra pas jouer à Bussan. Par contre, nous donnerons à Bussan le 16 septembre, et là, ça sera malheureusement sans Marie-Noël que vous avez écouté tout à l'heure, parce qu'elle sera occupée à autre chose. Ça sera donc avec d'autres personnes, mais toujours avec le quatuor à cordes qu'on a donné à Vittel il y a 15 jours, avec Marie-Noël justement, que vous avez entendu, les lectures sur Jean Potier. Alors je vous en reparlerai juste avant d'ailleurs, puisque ça sera le 15 et le 16. Il y a aussi un concert baroque la veille à l'église de Bussan. C'est d'ailleurs tout le septembre culturel qui se met en route, qui commencera le 9 septembre par une balade dans la forêt jusqu'à la 15 mus. C'est pareil, je vous en reparlerai juste avant, dans 15 jours, mais sachez-le déjà, une balade qui va nous mener avec Francis Cuny et Frédéric Durand jusqu'au tétraèdre, symbole de la paix, symbole l'atome de carbone, voilà, qui a été installé à la limite des communes de Vintron, Bussan et Le Mesnil. Et là, après la marche, on installera un atelier d'écriture où Maggie, Louis et moi chanterons la forêt. Alors, la beauté de la forêt. Alors, la beauté, pourquoi ? Parce que c'est 2019, le thème du printemps des poètes, la beauté. Et aussi la forêt, parce que la forêt est belle, magnifique et source de vie, comme vous avez écouté dans le texte que Serge nous a lu tout à l'heure, que Serge et Marie-Noël nous ont lu. C'était un message aussi d'amour de la nature et de symbiose avec la nature. Et c'est ce qu'on va retrouver dans l'écriture. Et le soir, nous irons dans la cabane de Francis Cuny dire ce que nous avons écrit. Cabane aussi à sauver. Voilà. Je disais que le 16, nous ferons, je l'ai pas dit ça, nous ferons, Jean Potier, ou la Jean Potier, héros pacifiste, avec le quatuor à cordes, oui, devant le presbytère, car le presbytère de Bussan, c'est aussi un lieu que nous voulons sauver, et voilà, ça sera aux Journées du Patrimoine. On en parle d'ailleurs dès la semaine prochaine au Forum des Associations à Bussan, au Tio, de l'après-midi. Et puis, pour finir, nous aurons le dernier week-end qui sera consacré à l'archéologie avec Francis Pierre et la Sésame, avec l'hypothèse qui semble bien solide du château de Mosellon, sur un château mythique dont on parle depuis 400 ans, qu'on ne sait pas trop où situer. Francis Pierre pense l'avoir retrouvé, et il fera une conférence le 22 à la salle des fêtes de Bussan, et le 23, une balade sur le site près du col de Bussan, mais je vous en dis pas plus, nous en reparlerons aussi. Et là, dans quelques instants, nous allons revenir vraiment au Théâtre du Peuple et à la saison du théâtre qui bat son plein et qui plutôt va se clôturer à l'apothéose ce week-end par le bal littéraire dont je vous parlerai un petit peu juste après cette musique intermédiaire. Plutôt celle-ci, parce que là c'était planant, mais celle-ci est plus en rapport avec la saison que je vais vous passer. Les chants, vous savez qu'au début du littoral, il y a un magnifique chant tiré de la liturgie orthodoxe grecque. Alors, il y avait un stage de chant italien et sacré avec avec des patios, il canto de l'anime. Et donc, vous allez entendre ceci, déjà, qui nous remet un peu dans l'ambiance magnifique de ce début de Littoral que j'écoutais encore. Moi, je l'ai vu 3 fois, Littoral. Je voulais le voir un 4e, mais je vais au Plateau Ivre demain. On parlait du Bateau Ivre, mais aussi le Plateau Ivre. Il faut pas l'oublier, au contraire. Et donc, je leur dois bien au moins une visite. J'ai pas pu y aller toute la saison, malheureusement. C'est dommage. Et vous écouterez d'ailleurs un acteur de Littoral tout à l'heure qui a été recruté parce que Simon Delétang l'a vu au Plateau Ivre. Donc, je disais que, eh bien, c'était au début, quand j'entends au début du Littoral ce magique chant, j'entendais après-midi, je suis pas encore allé voir, mais j'étais allé voir un impromptu plus dur quand même de Julien Gaillard, qui contraste un peu avec le style de la maison qu'on a vu en février. Julien Gaillard qui nous a donné après-midi un impromptu, enfin dont on avait un texte assez dur sur qui concernait des femmes, des convois de femmes d'une certaine façon, et qui était cheminé à travers les guerres, un texte dur. Voilà, mais là, je reviens à l'Europe centrale, justement aussi avec ces chants liturgiques qu'on entend au début, et je les entendais encore après-midi au début du Littoral. Ça donne vraiment envie de retourner dans la salle, de se laisser porter par ces 3 heures d'une saga véritable et magnifique qu'est Littoral. Voilà, c'était donc le Stabat Mater par le groupe qui est lui-même par il canto de l'anime avec une animatrice qui a formé justement le chœur de Littoral, qu'on entend au début du Littoral avec les acteurs magnifiques. Alors justement, Littoral, moi j'avais fait un enregistrement que j'ai jamais passé parce que j'attendais que la saison soit passée, presque. C'est un enregistrement qui a été fait à ce qu'on appelle la popote, en haut du Théâtre du Peuple, en haut de la popote plutôt, c'est à côté du Théâtre du Peuple, un très vieux bâtiment, comme aussi vieux que, un peu plus vieux même que le presbytère que nous voulons sauver. Et donc, il y avait une lecture qui a été faite de Littoral. Et en voici un extrait. Je pense que ceux qui ont écouté Littoral, ceux qui ont vu Littoral, pourront reconnaître. C'est pas tout à fait les mêmes acteurs, parce que c'était. Plusieurs ont été pris, d'autres ont changé, hein, bien sûr. C'était en novembre, voilà. Mets ta lumière à l'appel de ma voix. Reste, Amir, mets ta lumière à l'appel de ma voix. Reste, Amir, reste avec moi. Wilfried! Wilfried! Mon Dieu, Wilfried! Quel drame! C'est terrible! Horrible! Ah non, Marie, tu ne vas pas te mettre à pleurer! Qu'est-ce que tu vas faire maintenant, Wilfried? Qu'est-ce que tu vas faire? C'est vrai, ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Il va rien faire du tout. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Émile, je t'en prie! Tu parles au fils de ta sœur! Un peu de respect! Quoi, un peu de respect? Mais je lui témoigne tout mon respect, moi, au fils de ma sœur! Où est-ce que j'ai manqué de respect, moi, au fils de ma sœur? Son père est mort! Oui. Ah non, Marie, tu ne recommences pas à pleurer! Je sais qu'il est mort, et qu'est-ce que ça peut faire? Il a été reconnaître le corps à la morgue, et ça s'arrête là! On va l'aider pour qu'il puisse l'enterrer, et c'est tout! Et on va quand même pas se faire chier parce que l'autre est mort, il est mort, il est mort! Wilfried, regarde-nous! Nous sommes ta famille! Moralement ou financièrement, tu peux compter sur nous. Absolument, Wilfried. Mon Dieu, pauvre enfant. Ah non, Marie, tu ne vas pas te mettre encore à pleurer. Wilfried, y a-t-il quelque chose que l'on puisse faire pour toi, Wilfried? Oui, oui. Ah bon? Quoi? J'aimerais que mon père soit enterré aux côtés de ma mère. Bon! Ne t'énerve pas, Émile. Je savais qu'on est arrivé là, je le savais. Émile, ne t'énerve pas, ne t'énerve c'est, pas. C'est pas possible, quel scandale, mais quel scandale. Émile, ne t'énerve pas. Arrêtez de me dire de ne pas m'énerver, ça m'énerve. Oh, ah, mon mari, tu ne vas pas pleurer. Écoutez. Je sais que vous n'aimez pas mon père. Mais si vous voulez m'aider, acceptez que je puisse les réunir de nouveau. On croit rêver. Mais nous aimions beaucoup ton père, pourquoi dis-tu que nous ne l'aimions pas? Nous l'aimions beaucoup. Oh, mais c'est la meilleure. Ce n'est pas la question. Alors? Alors, c'est pas compliqué. Tout le monde ici veut être enterré avec son épouse, non? Vous avez déjà une place réservée, non? Oui. Mais alors, pourquoi mon père Ismaïl ne pourrait pas être enterré avec ma mère Jeanne? Ça serait une façon de le remercier. Ma mère, elle qui vous a élevé. Je comprends pas. À chaque fois que je viens chez vous, vous me parlez de ma mère. Mille fois, vous m'avez raconté comment elle vous a élevé quand vous étiez enfant, quand vos parents sont morts. Que c'est elle qui vous a aidé à vous marier. Vous, ma tante Marie et mon oncle François. Et vous, ma tante Lucie et mon oncle Michel. Et toi? Toi, mon oncle Emile. Combien de fois tu m'as raconté que sans ma mère, tu serais en train de croupir dans une prison là-bas? Combien de fois tu m'as raconté que sans ma mère, tu n'étais rien? Combien de fois vous m'avez raconté que sans ma mère, vous serez encore dans votre pays, en guerre? Que c'est elle qui vous a aidé à vous marier et qu'elle ait attendu que vous soyez tous mariés avant, avant de se marier elle-même. Combien de fois ? Il me semble que ce serait normal aujourd'hui que vous lui rendiez aujourd'hui ce service. Qu'elle soit enterrée avec l'homme qu'elle aime à jamais, dans le même endroit. Ne sois pas méchant, Wilfried. Nous aimions ta mère. Seulement... Seulement quoi ? Seulement, voilà, ton père. Quoi, mon père ? Eh bien, ton père était un salaud de l'homme qui respecte, voilà. Voyons. Et moi, vivant, jamais il ne sera enterré aux côtés de notre sœur. Voilà. Je ne sais pas pourquoi on discute, parce qu'on aura beau discuter 10 000 ans, ça ne changera rien. Cet homme ne sera pas enterré aux côtés de notre sœur dans notre caveau familial. Voilà. Émile. Et je ne sais pas, c'est quand même scandaleux qu'il ne t'ait pas prévenu. Émile, tout de même, le petit. Quoi, le petit? Le petit est grand maintenant. Et il est grand temps pour lui de savoir ce qui s'est passé. C'est quand même aberrant qu'il n'ait jamais dit à son fils que c'était entendu depuis longtemps que jamais il ne serait enterré dans le caveau familial. Émile! Enfin, c'était entendu! Oui, oui, c'était entendu! Alors pourquoi il n'a pas pris cette disposition avant de crever ce salaud-là? Et qu'il ne fasse pas chier. Émile! Émile! Quoi, Émile, Émile, à la fin? Il faut bien lui expliquer, non? Il est là à nous engueuler à propos de sa mère. Il n'a même pas connu sa mère. Est-ce qu'il l'a connu, sa mère? Il l'a pas connu, tu l'as pas connu? Non, mais... Alors qu'est-ce que tu viens nous emmerder avec les histoires de ta mère qui a aimé ton père à la folie? Comment veux-tu qu'elle l'ait aimé? Il a jamais été là. Toujours à gauche, à droite, toujours partout, sauf avec elle. Ça suffit, Émile! Prends-toi ta gueule. Tu veux que je te fasse taire? Non, laisse faire. Il a abusé d'elle. Il a profité d'elle jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Émile, ça suffit! Un salaud! Et lui qui vient là, ce petit abruti, nous donner la sauce sur ce qu'on devrait faire pour remercier cette femme? Tu l'as pas connu, alors tu viens de ta gueule? Son père. On dirait son père. Même pas foutu de t'apprendre l'accent du pays. Tu parles comme un étranger. Je ne savais pas. Tu parles étranger avec l'accent étranger au membre de ta famille. Je ne savais pas que vous le haïssiez à ce point. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour être traité de salaud le jour de sa mort? Wilfried, ton oncle Émile aimait beaucoup ta mère. Est-ce quoi le rapport avec mon père? Wilfried, on aimait ton père, seulement il était différent, il a commis certaines erreurs qui ont jeté un froid entre nous. Je comprends. Mais c'est pas le problème. Non, mais je comprends. Mais le fait est que dans le caveau, il n'y a plus de place pour enterrer Ismaïl. Toutes les cellules sont déjà réservées. Mais si tu veux, on peut trouver une petite place dans le cimetière, pas trop loin. C'est une bonne idée. Mais le caveau, tu n'y penses pas. Demain, mon père sera exposé dans un salon funéraire. L'agent des pompes funèbres m'a dit que je pouvais attendre le 3e jour avant de lui donner le lieu de l'enterrement. Pensez-y. On y reparlera. Mais tu n'as pas compris que c'est déjà tout réfléchi? Émile, je t'en prie. On va réfléchir. Le petit a besoin de... Le petit a plein de choses à penser. Demain, c'est sa première journée dans le salon funéraire. Et si on est venu ce soir chez lui, dans son petit appartement, c'est pas pour l'embêter. Es-tu content du salon, au moins? C'est un salon. Il est assez simple. Vous pouvez venir le voir. C'est mal pour un salon. Moi, je dis qu'il est temps qu'il sache qui était son père. Lumineux et intime à la fois. Sache une bonne fois pour toutes. Est-ce qu'ils vont emporter le corps? Ils le préparent. Mais vous êtes où, là? Mais comment ça, on est où? Mais oui, vous êtes où? Au salon funéraire. Où veux-tu qu'on soit? Depuis quand on est au salon funéraire? Depuis quelques instants. Écoutez, je ne sais pas où vous êtes, mais moi, je n'y suis pas. Et tu es où, toi? Moi, je suis dans le salon Briefly. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je comprends pas. Il y a 2 secondes, j'étais tranquillement en train de parler dans la cuisine, et là, vous me dites qu'on est dans le salon funéraire? Je ne sais pas où vous êtes, mais moi, je suis dans l'appartement et vous allez y rester avec moi jusqu'à ce que j'ai terminé de parler. Arrête de nous faire chier et accepte, comme tout le monde, que maintenant, on est au salon funéraire. Pas question, on est dans l'appartement de Wilfried. Enfin, mais sois raisonnable, tu vois bien que tout le monde est d'accord pour dire qu'on est au salon funéraire, alors arrête. Mais j'avais pas terminé de parler, moi. Ben, tu finiras de parler au salon, puis c'est tout. Bon, nous sommes où? Nous sommes au funéraire ou à l'appartement? Mais vous ne m'empêcherez pas de parler. Mais non. Bon, alors... on est au salon funéraire. Ah, à la bonne heure. On continue? Non, on ne continue pas. On va laisser le corps là. Je suis épuisé. Vraiment. On va s'arrêter ici, on va creuser un trou ici et c'est tout. On va déposer le cadavre et je pourrai rentrer chez moi. Tu peux creuser si tu veux, mais tu risques de creuser pour rien. Il est hors de question qu'il soit enterré ici. Ça veut rien dire pour personne ici. Mais qu'est-ce que ça peut bien te foutre que je l'enterre ici? Je vais t'aider. Creuse, Wilfried. Le simple fait de poser la question prouve que tu seras incapable d'en comprendre la réponse. Je peux te promettre, Wilfried, c'est qu'à la première heure, je reviendrai le déterrer et je l'emporterai vers un lieu qui a un sens. Wilfried, ne parle pas, creuse. Ce cadavre est en effet le cadavre de ton père et tu peux décider d'enterrer où il te plaira. Mais réfléchis, nous tous ici n'avons plus nos parents. Mais je vois pas ça comme ça, moi. On peut pas marcher autrement. On va tous devenir fous à chercher un lieu. Il faut l'enterrer ici. Non, pas ici. Ici ou ailleurs, c'est pareil. Non, pas pareil. Non, mais ça ne changera rien. Si, ça change. En quoi ça change? Ici est un lieu de fatigue, puisque c'est la fatigue qui t'arrête. Il y a ailleurs, quelque part, un lieu encore inconnu pour reconnaître le corps de ton père, pour le recueillir. Creuse, Wilfried, et allons-nous-en. Voilà, c'était donc... des extraits de Littoral, mais en lecture, non pas lecture, c'était vraiment en jeu, ils savaient leur texte. Alors c'était pas Anthony Poupart qui faisait Wilfried, comme c'est le cas maintenant. C'était un autre acteur, je sais pas si cet autre acteur, on le revoit, je crois qu'on l'aura vu dans la distribution, il me semble. C'est peut-être Ali Esmili, qu'on retrouve dans divers personnages, en ce moment, qui sont rencontrés par Wilfried et par Simone, c'est-à-dire par Waria Kaidari, qui était déjà dans cette première mouture, si je peux dire, de Littoral. Alors voilà, cette chose-là, c'est modifié aussi au cours du temps, et pour jusqu'à donner quelque chose de magnifique désormais. Thank you. maintenant, je vais vous faire entendre l'entretien avec un des acteurs de Littoral, mais qui parle aussi des Molières. Voilà, c'est Richard Mahungu. C'est un Congolais, un des deux acteurs, un autre nous vient de Guinée-Bissau, je crois que c'est Ousmane Souma. Et ils ont été choisis exprès par Simon Delétang. Alors, justement, Thomas Mahungu a été choisi parce que il a été vu par Simon Delétang l'année dernière au Plateau Ivre, justement. Il était venu avec sa compagnie. Alors, on va donc entendre Simon... Richard Mahungu. Oui. Ben c'est bien, j'ai aimé le style, ouais, à laquelle c'est joué et tout, les comédiens ils ont du pot et puis ben voilà, c'est des bons comédiens. Voilà. Oui, c'est vrai. J'ai surtout aimé la façon dont tu t'es présenté. C'est pas toujours le Molière dont on s'attend, hein, voilà, avec tout, voilà, le décor, ouais, et tout. Voilà. Mais c'est bien donné, quoi. Oui. Oui. Ah, bien, bien. Alors, vous, pour revenir à Littoral, alors maintenant, c'est, vous êtes rentré dans le théâtre, comment pour cette pièce? Ah, pour Littoral, pour venir, oui, au Théâtre du Peuple? Oui, oui. Ben, en fait, moi, je suis de Metz. Oui. Voilà, donc je travaille avec... en collaboration donc avec la compagnie Astrophe, qui est une compagnie basée à Metz. Oui. Et nous avons plutôt un spectacle qui s'intitule Ma Nostalgie, qui parle un peu de moi, de mon parcours et tout ça, parce que je suis exilié politique. Donc voilà. Ah oui, d'accord. Oui, oui, je parle un peu de mon exil, de... voilà. Vraiment, quoi, dans la vie, vous êtes vraiment... Oui, oui, oui, oui, oui. De quel pays, on peut dire? Du Congo-Brazzaville. C'est ça qui me semblait, voilà, oui, c'est pas sûr. Donc, après, on a monté le spectacle et... voilà, depuis 2013. Ça, c'est un spectacle qui a été créé à Metz et puis en Belgique. Au théâtre Charleroi, théâtre du Saulcy, à Metz. Et... Maintenant, ce spectacle se joue depuis 2013. Donc, j'ai joué dans les Vosges, j'ai joué voilà, en Moselle aussi, Meurthe-et-Moselle, Nancy et tout. Et Simon, le directeur, oui, donc, du Théâtre du Peuple, est venu me voir à Vanier. Ah, oui, oui, au théâtre de la Verdure. Ah, okay. Voilà. Oh, oui. Oui, oui, j'ai joué ma nostalgie là-bas, l'année passée. L'année dernière, oui. Oui, oui, oui. Bon, voilà. Ah, oui. J'ai loupé ça. Et puis il m'a contacté. Puis, ouais, bah, bon, ouais, il m'a appelé. Vous êtes heureux de votre saison, vous êtes bien. Littoral, ça marche. Oui, oui, j'ai dit merci au Théâtre du Peuple. Oui. J'ai été impressionné quand je suis arrivé. Ouais. Quand j'ai vu le théâtre, j'ai dit waouh, waouh. Parce que vous êtes professionnel. Oui, oui, oui, je suis professionnel, oui. Voilà. Ouais. Oui, oui. Donc c'est vrai que vous êtes venu par le Théâtre de Verdure, c'est vrai que je connais bien. Hein, oui, oui, oui. Bon, j'y vais pas souvent en ce moment. Oui, oui, je connais le directeur aussi, Pierre-Marie. Ouais, Pierre-Marie. Ben voilà. Très bien. Ben alors, et Hélène. Vous êtes venu par ce biais-là. Ouais. Ouais, merci. En tout cas, bravo pour vous. Merci. Là, vous avez un très bon reçu de Littoral, de toute façon. Là. Alors là, il n'y a pas merci. De voilà. Merci à vous. Merci. De parler de la fin de la saison, oui, la fin de Littoral, c'est demain, demain 25, et le 26 se déroule ce qu'on appelle un bal littéraire. Alors qu'est-ce que c'est que le bal littéraire? À 18h30, Hôtel du Peuple, il y a sûrement encore des places. Je rappelle aussi que c'est aussi la dernière du plateau ivre, justement, demain, de 17h à... Il y a deux spectacles, plus le cabinet des curiosités, le Pierre-Marie, justement. Mais moi j'y vais demain, au moins, enfin, il y a le repas aussi. Je pense qu'il va faire beau, j'irai avec des copains, on a prévu d'y aller, voilà. Au moins le soir, mais... J'essaierai d'y aller l'après-midi, je vous engage d'y aller. C'est une totalité, c'est tout est inclus, le repas, tout ça, c'est pas cher. Il faut quand même retenir, parce qu'il y aura du monde. Et donc, c'est la dernière demain. J'ai pas de flyer là, sous les yeux. Je vais essayer de vous retrouver le programme dans mon smartphone. Ouais, comme pour les jolis mômes d'ailleurs. Promis, pendant le reste de l'émission. Bon, alors, disais-je, c'est après-demain le bal littéraire. Une nouvelle formule qui remplace un peu le spectacle de fin de saison du Salle du Peuple, qui depuis 4 ans était constitué de concerts, toujours intéressant d'ailleurs, magnifique, avec beaucoup de monde. Et cette fois-ci, est choisi un bal littéraire qui est une formule un peu particulière. 5 auteurs, si je ne m'abuse, si je les compte bien, dont Julien Gaillard, dont on a parlé, dont j'ai parlé tout à l'heure, oui, que j'ai évoqué, et dont Magali Mougel, que j'évoquerai tout à l'heure, puisqu'elle était en rencontre auteur amateur, Marion Aubert qui avait écrit le Bram des Biches mis en scène par Pierre Guillois en 2011, la dernière pièce de Pierre Guillois d'ailleurs. Nous aurons également dans ce bal littéraire, bon, je vais lire si je le trouve là dans mes papiers, oui. Je vais le retrouver. Alors, en tout cas, si je le retrouve pas, je vous le dis. C'est un bal littéraire avec, effectivement, 5 auteurs. Voilà. Et les auteurs font des lectures à partir de morceaux de musique. Alors, ils improvisent sur la scène et ils doivent enchaîner challenge, c'est d'enchaîner des petites scènes qui s'inspirent du morceau de musique. Ah, ça y est, j'y suis. Enfin, à la page. Donc, il y aura Marion Aubert, Fabrice Melchiot, qui est auteur d'ailleurs d'un spectacle équestre, que malheureusement on ne pourra pas avoir au Théâtre du Peuple parce que il devait venir, ce spectacle, et les monuments historiques n'ont pas été d'accord puisque les chevaux auraient fait trembler, les chevaux qui dansent, c'est dommage, avec le théâtre du Centaure de Marseille, à l'automne, les chevaux qui dansent auraient compromis la solidité de l'édifice, dit-on. Enfin, donc, nous aurons Marion Aubert, Fabrice Melchiot, Magali Mougel, qui était une des auteurs vosgiennes d'ailleurs, d'origine, Eddie Palaro et Pauline Peyrade. Pauline Perrin, qui était aussi aux rencontres auteurs amateurs. Voilà. Donc tout ça pour, effectivement, pour clôturer la saison, la grande salle du théâtre. Donc, des choses, c'est bon, afin de créer un espace de bal, un temps festif durant lequel les 5 auteurs se réunissent et écrivent in situ une pièce à plusieurs mains. Les scènes sont lues le soir par les auteurs eux-mêmes devant le parquet de Bâle, et entre chaque scène sera diffusé un morceau musical en lien avec le texte sur lequel tout le monde est invité à danser. Un bal pour tous les amoureux de la lecture et de la danse. Et pour les amoureux tout court, bien sûr, c'est toujours agréable. Alors, je vais revenir moi un peu en arrière. Ça a été une saison marquée par Littoral, bien sûr. Moi, je l'ai vu 3 fois. Est-ce que j'arriverai à l'avoir 4? C'est pas sûr. Si je vais au plateau ivre, je pourrais pas. Puis d'abord, il n'y a plus de place demain, hein, je crois, d'après ce qu'on m'a dit. Mais néanmoins, j'ai vu tous les trois Molières sur quatre. Et j'ai raté l'école des femmes. On va plus le voir. Parce que les jeunes acteurs des Molières sont partis. Alors ça a fait beaucoup parler, ces Molières. Tout à l'heure, je vous parlerai aussi de Lund, que j'ai dans un autre enregistrement, parce que là, on a eu des échos, et puis des très bons échos en général sur Lund, hein, qui se donnait les dimanches soirs, qui est un monologue que Simon de l'Étang fait sur un texte de Büchner, et qui a joué aussi à guichet fermé, complet, si je peux dire, puisque c'était dans la petite salle, qui a une centaine, petite salle Camille, qu'on appelle la salle Camille Potcher, qui est l'ancienne salle des décors, et qui est transformée en salle de spectacle. Et donc, toute la saison, on n'a pas pu, il fallait vraiment avoir retenu bien à l'avance pour Lens. En tout cas, on évoquera Lens aussi, puisque c'était une forme remarquable qui va continuer les années prochaines, dans toutes les directions du Parc des Ballons, puisque Simon de l'Étang va continuer cette forme-là, un petit peu partout, depuis Bussan, mais direction peut-être les Crêtes ou le Ballon d'Alsace, cette fois-ci, plus la montagne, a-t-il dit, et plus longtemps, plus 15 jours qu'une semaine, avec moins de jeux de théâtre, peut-être, moins de jours, parce que c'est épuisant de marcher toute la journée, de jouer le soir. Là, il avait fait 5 fois, là, jusqu'à Waldersbach, l'église du pasteur Oberlin, où Lenz a prêché, le vrai Lenz a prêché. Bon, on en reparlera de ça. Le misanthrope, je l'ai vu, je vais vous en faire écouter un extrait, et après on verra les réactions sur ce misanthrope. Alors, les acteurs du Molière ont fini samedi dernier, et là, ils sont restés donc 3 semaines pleines. Samedi dernier, c'était, comme chaque samedi, tous les Molières d'affilée. J'ai pas pu les voir, j'étais pris au Ballon d'Alsace, où je reviendrai là-dessus, il y avait une fête du Ballon, et là, on n'en a pas parlé parce qu'il y a tellement de choses à dire autour du Théâtre du Peuple, mais tout ce qui s'est passé au Ballon d'Alsace, tant au feu le 7 juillet que la fête du Ballon le 19 août avec plein d'auteurs, tout ça j'en parlerai très prochainement dans la prochaine édition c'est-à-dire dans 15 jours. Voilà. Un extrait du Misanthrope. À recevoir le monde, on vous voit toujours prêt, et vous ne loupez pas un seul moment de douce. Vous ne résoudrez pas souffrir d'être loin chez vous. Voulez-vous qu'avec lui je me fasse une affaire? Vous avez des regards que vous saurez me plaire. Si un homme a jamais le pardonner, si vous avez sa vue, plus m'importe. Et que vous faites cela pour vous gêner de sortir? Mon Dieu! De séparer la dernière sa corps. Et ce sont de ces gens qui, je ne sais comment, ont gagné dans la foule de par le couteau. Dans tous les entretiens, je les vois s'introduire. Ils ne sauraient servir, mais ils peuvent vous nuire. Et jamais, quel qu'appui qu'on puisse avoir d'ailleurs, on ne doit se brouiller avec ces grands railleurs. Enfin, quoi qu'il en soit, et sur quoi qu'on se fonde, vous trouvez des raisons pour souffrir tout le monde. Et les précautions de votre jugement. Quoi vous dites encore, madame? Justement. Où courez-vous? Je sors. Demeurez. Quoi faire? Demeurez. Je ne puis. Je le veux. Bonne affaire. Conversation, mais vous pouvez m'ennuyer. C'est trop pouvoir me faire. Je le veux, je le veux. Non, c'est pas possible. Eh bien, allez, sortez. Et vous êtes oisive. Voici les deux marquis qui vont être avec nous. Vous l'êtes-on venu dire? Oui. Des sièges pour tous. Vous n'êtes pas sorti? Non. Mais je veux, madame, ou pour eux, ou pour moi, je vais expliquer votre âme. Taisez-vous. Aujourd'hui, vous expliquerez. Vous perdez le sens. Vous déclarerez. Vous prendrez parti. Vous vous moquez, je peux. Non. Et vous choisirez. C'est trop de patience. Parbleu, je gagne le. Cléon, ton lever, madame, a préparé une ridicule achevée. N'a-t-il pas des camis qui puent sur ces manières d'un chat et d'un ami lui prêter des pierres? Dans le monde, à vrai dire, il se barbouille fort. Partout, il porte un mec qui saute au-dessus de la bord. Et lorsqu'on le revoit avec un peu d'absence, on le retrouve encore plus plein d'extravagance. Pour parler de gens extravagants, je viens d'en essayer un des plus fatigants. Damon, le raisonneur, qui m'a, ne vous déplaise, il ne rentre au soleil, le meilleur de ma gueule. C'est un plat à l'étrange, et qui trouve toujours l'art de ne vous rien dire avec de grands discours. Dans les propos qu'il tient, on ne voit jamais goutte, et ce n'est que du bruit que tout ce qu'on écoute. Il faut prendre la conversation.

Plus on aime quelqu'un, moins il faut qu'on le flatte. À ne rien pardonner, le plus l'amour éclate. Et je bannirai, moi, ces lâches amants que je verrai, soumis à tous mes sentiments, et dont à tout propos les vols complaisants se donneraient de l'encens à des extravagants. Enfin, s'il faut qu'à vous se rapporte les cœurs, on doit pour bien aimer renoncer aux douceurs, et du parfait amour mettre l'honneur suprême à bien injurier les personnes qu'on aime. L'amour, pour l'ordinaire, ne peut faire à ses lois. Et on voit les amants toujours porter leur choix. Jamais leur passion ne voit rien de blâmable. Et dans l'objet aimé, tout leur devient aimable. Ils comptent les défauts pour des perfections et savent y donner de favorables noms. La pâle est au jasmin aux blancheurs comparable. La noire à faire peur, une brune adorable. La maigre a de la taille et de la liberté. La grâce est dans son port pleine de majesté. La main propre sur soi, de peu d'être chargée, est mise sous le nom de beauté négligée. La géante paraît une déesse aux yeux. La terre est abrégée des merveilles des cieux. L'orgueilleuse a le cœur digne d'une couronne. La fourbe de l'esprit. La santé toute bonne. La trop grande parleuse et d'agréable humeur. Et la muette garde une honnête pudeur. C'est ainsi qu'un amant, dont l'ardeur est extrême, aime jusqu'au dépôt des personnes qu'il aime. Et moi, je soutiens, moi. Brisons là ce discours. Et dans la galerie, allons faire de tour. Quoi ? Vous vous en allez, messieurs ? Non, non pas, madame ! La fin de leur départ occupe fort votre âme. Sortez quand vous voudrez, messieurs, mais j'avais dit que je ne sors qu'après que vous serez sortis. À moins de voir madame en être importunée, rien ne m'appelle ailleurs de toute la journée. Moi, pourvu que je puisse être au petit coucher, je n'ai point d'autre affaire où je sois attaché. C'est pour rire, je crois. Non, en aucune sorte, nous verrons si c'est moi que vous voudrez qu'il sorte. Monsieur, l'homme est là qui voudrait vous parler pour un dernier petit peu de reculer. Dis-lui que je n'ai point d'affaire si pressée. Il porte une jaquette à grande masse officielle et qui dort dessus. Allez voir ce que c'est. Ou bien faites entrer. Et ce nom qui vous plaît, venez, monsieur. Monsieur, j'ai tout vos appétit. Vous pouvez parler haut, monsieur, pour en inscrire. Messieurs les maréchaux, dont j'ai commandement, vous demande de venir les trouver promptement, monsieur. Qui ? Moi, monsieur. Vous-même. Pourquoi faire ? C'est de Ronte et de Houle avec qui tu l'as fait. Comment ? Ronte et lui se sont auto-bravés sur certains petits verres qu'il n'a pas approuvé, et l'on veut assouplir la chose dans sa naissance. Moi, je ne vais jamais te lâcher ton présence. Mais il faut suivre l'ordre. Allons, disposez-vous. Quel accommodement veut-on faire entre nous ? La voix de ces messieurs me condamnera-t-elle à trouver bon les verres pour notre querelle ? Je ne me dédie point de ce que j'en ai dit, je les trouve méchants. Mais d'un plus doux esprit. Et en tel point, les vers sont exécrables. Tu veux faire revoir des sentiments très tabalants, venez. J'irai, mais rien n'aura pouvoir de me faire dédier. Allons pour faire revoir. Oh, qu'un commandement exprès du roi me vienne de trouver bon les vers dont on se met en peine, je soutiendrai toujours, morbleu, qu'ils sont mauvais. Cher marquis, je te vois là bien satisfaite, que chose t'égaye et bien t'inquiète. En bonne foi, crois-tu sans débrouiller les yeux avoir de grands sujets de paraître joyeux? Voilà donc une idée de ce rythme effréné du misanthrope, comme de toutes les pièces d'ailleurs. Nous allons donc, après un petit peu de musique nécessaire, qui s'accorde bien à ça, le cher Brassens. Voilà, passer quelques réactions du public. Marquise, si mon visage a quelques traits un peu vieux, souvenez-vous qu'à mon âge, vous ne vaudrez guère mieux. Marquise, si mon visage a quelques traits un peu vieux, souvenez-vous qu'à mon âge, vous ne vaudrez guère mieux. Le temps aux plus belles choses se plaît à faire un affront et saura faner vos roses comme il a ridé mon front. Le temps aux plus belles choses se plaît à faire un affront et saura faner vos roses comme il a ridé mon front. Le même cours des planètes règle nos jours et nos nuits. On m'a vu ce que vous êtes, vous serez ce que je suis. Le même cours des planètes règle nos jours et nos nuits. On m'a vu ce que vous êtes, vous serez ce que je suis. Peut-être que je serai vieille, répond Marquise cependant. J'ai 26 ans, mon vieux Corneille, et je t'emmerde en attendant. J'ai 26 ans, mon vieux Corneille, et je t'emmerde en attendant. Donc 26 ou 30 ans, en fait, plutôt 30 ans, mais ils n'emmerdent pas Molière en attendant. Et ils nous ont bien égayé tout l'été et bien fait parler aussi, c'est sûr. Alors on va écouter des réactions du public. C'est de la suite d'entretiens que j'avais passé il y a déjà 15 jours. Et c'était, j'avais pas eu le temps, il y a tellement de choses, et voici, avec un groupe qui était très intéressé, et à un moment donné s'y joindra un acteur du Molière qui jouait Célimène, mais c'est un acteur qui faisait une femme, bien sûr, comme il se doit, et il s'est joint à nous au passage, et s'est joint à nous aussi Jean-Noël Delétang qui joue le père dans Littoral. Alors c'est très intéressant comme entretien, vous allez voir, c'est très complet, très, très appuyé, voilà. Et pour le Molière, texte, mais c'est hyper agaçant d'entendre tout le monde tourner sa feuille. C'est on agaçant, est au théâtre, on n'est pas dans une bibliothèque. Hein. Ouais, on ne voit pas les gens qui suivent le texte d'ailleurs, qui restent 10 minutes sur le texte au lieu de regarder la pièce. Moi je, voyais, oui, c'est plus du bruit. Ah ben moi je me suis retourné, vous l'avez fait au début. Oui, je vous ai fait comprendre que c'était pas possible. Ça a été désagréable. Non, je me suis regardé deux fois, j'ai regardé le monsieur en disant attendez, c'est vous êtes gentil, mais moi j'écoute un. Moi, j'ai pas déjà qu'on avait un petit peu de mal à les. Oui, surtout qu'on avait, oui, c'est quand on met mal. La page en même pour revenir à ce que je disais tout à l'heure. Sur cet appel des. Au moment où la femme arrive avec ses blocs, ses bottins et qu'elle dit les noms, on retrouve le kaddish qui est la prière des morts dans la religion juive où un tel de la famille un tel, fils de un tel, et donc c'est un hommage, et on sait que dans la religion juive, tant que l'on peut dire le nom d'un mort, il est encore vivant puisqu'il est resté dans la mémoire de la famille, et donc elle, quelque part, elle est garante de la mémoire, donc de la survie de tout ce groupe d'individus. Après, c'est peut-être commun avec d'autres religions, ça tu le sais. Moi c'est celle que je connais, donc c'est pour ça que ça a fait tilt, et c'est vrai qu'à la fin on attend, en tout cas pour quelqu'un qui est juif, on attend la prière des morts, qu'il kaddish. Donc un petit peu ce qu'on vit aussi dans cette histoire, puisque c'est on se balade avec ce mort là et elle se balade avec tous les morts de cette région. Oui, ce mort qui finit par le père de tout le monde, de tous ceux qui ont perdu ou qui n'ont pas eu un père. C'est là, devient le père universel. C'est une forme de prière aussi. C'est ça quand même qui touche, je pense, le public. Oui, une façon de reconstruire le pays après la guerre, c'est aussi d'avoir tous le même père, finalement, ou de convenir qu'on a tous vécu les mêmes malheurs. Hein. Voilà. Bien. Voilà. Ah, écoutez, vous avez encore éclairé. Voilà le père, d'ailleurs, qui passe, qui est très... C'est Jean-Noël. Jean-Noël. On disait que vous étiez excellent. Monsieur nous a fait ce qu'on a enregistré. Ah, c'était excellent. Ouais. Mais c'est vrai que vous êtes un amateur. Oui, j'enregistre. Oui, et bien bravo. Parce que vous êtes le plus professionnel des professionnels par rapport aux amateurs. On s'est dit, ça se voit qu'il y a des amateurs et des pros, il y a des niveaux différents. Mais nous, on était sûr que vous étiez pro. Ben non. J'ai travaillé comme un pro, ça oui. Là, je peux vous dire vous savez que c'est le vrai papa du metteur en scène. C'est vrai. Oui. Donc ça, il y a une histoire. D'accord, j'ai vu qu'il y avait un nom et je me suis demandé si c'était pas le fils, le petit jeune, mais je trouvais que le papa était jeune quand même. Père sous la torture du fils. C'est ça. Sur c'est pour ça que vous étiez bon. Sous le fils metteur en scène, mais j'ai souffert. ça mais, méritait. Mais voilà, le résultat quand même. Et puis, est-ce que vous aviez fait souffrir avant votre fils ou pas? Bien sûr, bah oui, c'est moi qui l'ai fait débuter. Donc voilà, donc je comprends pourquoi. C'est un retour. C'est juste un retour des choses. Oui. Non, c'est vrai que c'était bravo. Oui, oui. C'était très étonnant. C'est un beau spectacle, il y a de belles images. Et puis c'est très agréable à jouer, c'est une belle langue. Ces messieurs-là m'ont fait, toute la famille m'ont fait une analyse très, très... Très bien. Je sais pas, mais... Très virtuose de la pièce. Avec de ce qui est... Si, on va poser une question, puisque l'histoire du Christ... Voilà. L'histoire du Christ. Pour quelle raison le Christ est... Ah ben ça, c'est le metteur en scène. Hein, oui, non, mais vous avez des liens, a priori, de proximité, non? Avec oui, quelques-uns. Donc, si vous avez quelques liens, peut-être que vous avez quelques infos. Alors, je crois on a beaucoup cultivé nos enfants. On les a beaucoup traînés dans les musées. Et je pense qu'ils ont, Simon en tout cas, un goût pour l'art. Et dans tous ces spectacles, il y a toujours une référence artistique qui étonne par ses choix, mais là, elle se justifie parfaitement, je veux dire. Alors justement, pourquoi elle se justifie ? Elle se justifie parce qu'il cherchait une image, qui soit une image artistique, qui montre la résurrection d'un homme. Mais il n'y a pas de résurrection dans l'histoire ? Ben non, c'est plutôt un père qui traîne encore parmi entre les... C'est ben, un mort qui n'est pas complètement parti. C'est une forme de résurrection, puisque je suis mort et je réapparais. Moi, je ne le lis pas comme ça. Vous restez dans le mental et jusqu'au moment où vous enterrez, vous allez réellement disparaître. Pour moi, ce personnage est une âme errante entre le monde des vivants et le monde des morts, tant que le rituel n'a pas pu s'accomplir. Et ça se trouve en ethnologie. Mais pour moi, le Christ, ça tire la pièce vers une religion, alors qu'on est quand même dans un monde qui s'est à feu et à sang pour des questions religieuses, et des personnages, on leur assigne jamais de religion, et je pense que c'est un choix de l'auteur. Et donc ça m'a un peu gêné. Il y a le Christ qui est excessivement pourquoi marqué. Le Christ, c'est pas... Moi, j'ai pas compris. C'est-à-dire qu'à la fin de la première partie, on en a discuté, on a dit, il a mis le Christ, à quoi ça sert? Et la réponse, c'est on verra dans la deuxième partie. Ah non. Comme on n'avait pas la réponse, après, on l'a oublié, mais comme on en reparle là... Non. C'est... Oui, le tableau est très beau. Hein. C'est pas la référence à une œuvre d'art. C'est Mantegna, c'est pas Mantegna. Non, c'est Champagne. Philippe de Champagne. Champagne. Mais pour Simon, ça s'est imposé d'emblée. Il prouve qu'on est né. Culturellement, il y avait déjà quelque chose qui pour lui. Oui. C'était évident pour lui qu'il fallait un élément artistique qui soit occidental, qui pose, puisque la famille, on est quand même dans un lieu qui vraisemblablement, on n'est pas nommé, mais qui est quand même occidental. Ah mais c'est au Canada, oui. Mais en revanche, je sais même pas. Alors ça, c'est mon ignorance, mais ça n'apparaît pas du tout dans la pièce. Donc, je sais même pas si c'est un chrétien du Liban. Ouais, je dis moi, ouais, je crois même pas. Si, c'est un chrétien, oui. Bon, dans ces cas-là, je me suis dit peut-être que c'est justifié par ça, d'accord. Mais... C'est possible. Son précédent spectacle, il l'avait fait sur Tarkovski. Oui, je l'ai vu, moi. Voilà. Il y avait une reproduction d'un tableau magnifique d'une fresque de Piero della Francesca. Oui, c'est ça. Mais si c'est au service de l'histoire, moi, j'ai aucun problème. Je ne l'ai pas... Ça m'a pas parlé, c'est-à-dire que c'était quelque part un peu illustratif de quelque chose. Une errance d'une âme entre deux mondes qui est en souffrance et il faut pouvoir enterrer son mort. Oui, oui. Alors que rien n'amenait à ça, et comme je l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète, il n'y a pas de nom de gens, il n'y a pas de lieu, il n'y a rien. Et d'un seul coup, là, il y a accroché quelque chose. Ah, mais ça, c'est excessivement. Oui. Mais ça. Regardez, c'est le Christ, c'est la mort, c'est la religion, donc ça vient basculer dans quelque chose qui nulle part il dit. Oui, tout à fait. Justement, on nous laisse errer. Ça peut pas être ça peut pas être apporté par le texte, puisque Wajdi Mouawad n'a pas du tout... Venez, on parle théâtre. Venez, Maud. Je prends juste une petite bière, j'arrive. Non, mais ce sera tout tard, il sera parti, ça fait 20 minutes. Il n'y a plus de bière, mousse. Ah ouais, c'est... Et puis de toute façon, les femmes, elles boivent pas. J'aimerais bien boire un verre. Ça, les femmes ne boivent pas. Si, les femmes, elles boivent. Bon, pas du tout. Là, quand on est en robe rouge, comme ça, c'est pas possible. Ah bon? Non, non, mais je les ai jamais vus comme ça. On est au 17e siècle, là. Avec un short en dessous gris. C'est du Molière, mais au 21e siècle, les femmes boivent quand même. Mais je trouve que vous faites réentendre Molière, justement. Mais oui, alors là, on est avec Célimène, enfin, c'est-à-dire. Ça va? Enfin, ouais. L'esprit, je sais pas. Pour moi, c'est plus proche de l'esprit de Molière que des choses qui prétendent le respecter. En restant dans les, clous. En ajoutant rien, texte, etc. Et voilà, c'est cette folie qu'on a adorée. Ah bah ça, c'est un beau compliment. Dans cette interprétation de Molière, ce sont que des professionnels, que des amateurs, c'est quoi? Que des professionnels. Là, vous êtes tous professionnels. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Non, on est tous des profs. Oui, ça se voit pas, donc. Un amateur, on était persuadé qu'il était professionnel. Là, on a vu que des professionnels, on se demandait s'ils sont pas amateurs. Ils sont aussi bons. Ils sont aussi bons que des amateurs. De qualité. Juste, on a un bémol. Mais pourquoi avoir laissé ouvert derrière alors qu'on ne se sert absolument pas et que du coup, alors que vous soutenez manifestement, c'est pas vraiment pas un problème des comédiens et par moments on peut pousser plus on pourrait pousser plus nous. Mais pourquoi ouvrir? Ah, c'est un choix du metteur en scène. Il m'a pas dit précisément. Il s'est dit on laisse ouverte tout du long et puis voilà. C'était un choix radical aussi que de pas l'ouvrir de temps en temps, la fermer. Entre nous, ça se passe à l'intérieur. Chaque fois que vous étiez en fond, ouais. On vous entendait pas. De temps en temps, il y avait des douceurs d'accès, des profil ou un petit peu cardo. On perdait. Non mais on a ce retour tous les soirs. Le bruit des journaux. Pourquoi leur filer le texte? Nous on aime bien que les spectateurs aient le texte. Au début on n'aimait pas du tout. Quand le metteur en scène nous a dit... Le bruit du texte, le fait que c'est ouvert derrière, donc on a deux fois des sons parasites, une fois ça rebondit pas. Ça servirait la pièce, on n'aurait rien contre, mais ça ne sert pas la pièce. En fait, c'est vrai que c'est beau, mais voilà. C'est très beau. Mais, le fond, oui. Mais... Je sais pas quoi vous dire là-dessus. Tant plus que vous étiez vachement beau. Non, c'était super beau, j'adorais. Oui, c'est l'humaine. C'est-à-dire, vous, votre nom, c'est... Mon vrai nom, c'est Pierre. Pierre de la loge. D'accord. C'est le monsieur qui est en robe. Oui. Voilà. Vous étiez dans le Tartuffe aussi? Oui. Ah oui, vous avez... Je faisais Valère. Ah, c'est ça. Ouais. Le Tartuffe. Non, vas-y. Parce que le Tartuffe a moins bien conquis la foule l'autre jour. J'ai écrit le Tartuffe. On les a créés en 2013, quand même. On les a beaucoup joués. On les a beaucoup joués, ouais. Ils sont reçus correctement ou parfois vous avez une montée de boucliers de gens, mon Dieu, ils maltraitent Molière. On a c'est partagé. Il y a des gens qui sont très très enthousiasmés et d'autres qui disent que qui n'aiment pas du tout. Voilà, qui nous le font savoir même à la fin qui nous le font bien savoir à la fin du spectacle ou même parfois pendant, voilà, qui crie pendant, qui nous... Un malaise, vous avez vu? C'est notre premier malaise, on sait qu'il y en a plusieurs à Bussan, ouais. Ça a créé un petit malaise d'ailleurs. Vous pensez que ça cause du texte ou de l'interprétation? Juste la chaleur? Ouais. En tout cas, vraiment, non. Vous nous avez embarqué. Moi, je pense que en dehors des deux petites critiques, c'est-à-dire le bruit des prospectus, c'est ouvert derrière. C'est parce que ça vous a frustré. Non, on l'entendait pas. Ça gênait. On l'entendait pas, et du coup, il a eu plusieurs fois, il a dit j'ai carrément décroché. Décroché à cause du son. C'est à nous de pousser plus la voix. On est là au théâtre, on n'est pas là pour lire le texte. Ça t'avait plu? Alors, moi je dirais que par rapport au Tartuffe, il était traité de manière légèrement plus classique, si je peux dire, à part Célimène qui était un homme, mais plus classique que le Tartuffe. Le débit moins rapide. Qui a gêné quand même. Sur Tartuffe, on a beaucoup eu ce retour-là. Tartuffe, moi j'ai eu on essayait d'interviewer les gens l'autre jour après le Tartuffe, et beaucoup fuyaient, ne voulaient pas s'exprimer. Bon, et j'ai eu, bon, c'était, bon, bah, c'est à voir, hein. Et peut-être que le débit légèrement plus audible, ce soir, a enthousiasmé les gens. Moi ça m'a beaucoup plu. Oui, sûrement, ça, ça doit jouer. J'ai aimé, justement, parce que de temps en temps, ça allait très très vite. Oui, oui, aussi. Et à d'autres moments, c'était plus calme. C'était un peu vite au début. Enfin, j'ai eu peur un peu au début. On les entend pas bien et ça va super vite. Et puis après, ouais. Mais après, en fait, ce qui est génial, c'est que vous arrivez à nous surprendre. C'est aussi le temps. Mais c'est vrai, c'est rare d'être surpris au théâtre, quoi. Enfin, partout. Quoi. Moi, il y a un petit vraie bémol, surprise. Mais c'est plus l'homme d'image, photographe, graphiste ou autre, que je retrouve, parce qu'ils font du théâtre amateur, et quand je les vois en répétition et je les vois ensuite en tenue, peu importe la tenue, hein, c'est pas, ça peut être exactement la même chose, mais en tenue, il y a quelque chose qui se fait qui est quand même magique, et je le vois au travers de mes images photographiques ou même vidéo, il y a un basculement, il y a quelque chose qui se passe, et il y a quelques tenues qui nous mettait tellement dans la quotidienneté que moi, ça m'a un peu... je parle peut-être de t-shirt blanc un peu chiffonné, machin. Il y en a eu un ou deux comme ça, je ne sais pas pourquoi, qui... moi, j'aimais bien le côté un peu décalé. Qui passe ses costumes. Non, qu'il y avait la veste, veste avec torse nu avec le pantalon jean, ça ne m'a pas gêné. Et là, j'étais vraiment dans la quotidienneté. Voilà, c'était peut-être un peu moins. Mais c'est vraiment des petits détails. Quoi, ce n'est que mon point de vue. Oui, bien sûr, parce que ça fait vraiment partie de la cohérence d'ensemble, de l'idée d'ensemble, le fond de théâtre de Gwenaëlle Morin, d'être dans un truc très nu, un verbe nu. C'est le cas de le dire parfois. On a eu juste Arsinoé aujourd'hui. Oui, voilà. Il y a beaucoup de nudité. On avait c'est pas vous. On avait le pauvre et Don Juan. Don Juan, ah oui, d'accord. Les deux, on en avait deux. Don Juan a bien marché, là, de près les échos, moi j'ai pas vu, mais. Ouais, Don Juan, reçu. C'est une super plus pièce. Plus que les deux premiers, peut-être que. Enfin, je sais pas. Don Juan, elle est plus blockbuster, un peu, on va dire. Elle est plus. Je sais pas si on pourrait dire commerciale, parce que c'est pas le bon mot, mais elle est peut-être plus accessible et plus enthousiasmante pour les gens d'emblée, parce qu'elle. Déjà, le vers est libre, c'est de la prose. Ah oui, c'est vrai. Et puis, c'est un road trip. Cette pièce, il se passe plein de choses. Ça va, Don Juan, et on suit vraiment Don Juan. Après, c'est la structure de la structure de l'école des femmes est plus difficile parce qu'elle repose tout sur un acteur. Et il y a beaucoup de monologues où il faut. Et du coup, c'est peut-être moins. C'est peut-être parfois plus dur à suivre. Pareil pour Tartuffe, pour des fois c'est très. Il y a tellement de personnages, au contraire, c'est tellement dialogué des fois que. Judith qui faisait Tartuffe, c'est trouvé génial. Mais c'est vrai que. On est 12. Voilà, c'est ça, on est 9 sur scène. Et, Donc à chaque fois vous tournez. En fait, je dis on est 12 parce qu'il y a le metteur en scène et le technicien. Et sinon, on n'est toujours que 9 acteurs sur le plateau. Mais là, il y a un acteur qui part pour la dernière semaine. Donc, on a un autre acteur qui reprendra ses rôles. Donc, on est 10 actuellement dans la troupe, mais on n'est toujours que 9, 10 comédiens dans la troupe et 9 sur le plateau. Donc, à chaque fois, vous êtes toujours sur les 4 pièces, vous êtes tous sur scène. On a au moins une apparition dans chaque pièce. On a une question qui n'a pas de rapport vraiment avec la dimension artistique, mais si on veut venir demain. Et ne voir que les deux premières. Ouais, c'est possible, je pense. Il y a des prix particuliers. Je pense que c'est. Les chemins pour voir les autres. Surtout qu'il paraît qu'il y en a que les gens n'aiment pas, donc on aimerait bien être avec eux. Ouais, ça a moins marché, c'est vrai. Mais moi, Don Juan, parti, il a marché du tonnerre. Et Tartuffe. Quand on a des acteurs comme ça, c'est pas possible. C'est pas possible que ça soit pas bien. Ah non, mais c'était bien. C'était. Écoutez un peu ce que tu as fait. Avec des spectateurs. Vas-y, redis-le quand même bien fort que l'entendent. Seul truc qui va garder. J'ai dit que quand il y avait des acteurs comme ça, c'était pas possible que les autres soient pas bien. Si ça marche une fois, ça marche. Voilà. Voilà donc des opinions sur le Tartuffe notamment. Après, j'ai revu moi, Don Juan et vous écouterez tout à l'heure. Je vous ferai écouter. La fin de Don Juan, enfin deux petits morceaux de Don Juan, et puis également la réaction du public était très très intéressante aussi. Voilà. Et si nos pas nous portent, c'est une chanson qui a été chantée il y a quelques années au théâtre. Nos pas nous portent le souffle, l'imprévu, l'aventure qui attend au bout de la rue. Et si nos pas nous portent, et si nos pas nous portent aux poètes qui vaguent et vagabondent, nous aurons l'imagination féconde. Notre envie de printemps sera profonde, nous dessinerons l'esquisse d'un autre monde. Et si nos pas nous portent, et si nos pas nous portent, et si nos pas nous portent, le bruit de fond du siècle n'est pas sage. Sous les pavés nous retrouverons la plage. Nous dirons qu'il est temps de tourner la page, car nous n'acceptons pas notre héritage. C'était il y a quelques années, c'est la forme du soir due à l'écriture de Stanislas Coton. C'était à l'époque donc de Vincent Goethals. Musique de Pascal Sangla qui a fait le premier concert de fin d'été, c'était en 13 je crois, si je ne me trompe. Et donc il y avait à ce moment-là des acteurs comme Baptiste Roussillon un type remarquable par ailleurs qui faisait aussi vivre une aventure théâtrale, qui nous encadrait comme et comme également d'autres excellents animateurs du théâtre que nous avons connus pendant ces années-là. Alors ça me fait penser que j'ai parlé du bal littéraire après-demain. Dimanche 26 à 18h30, mais il y a aussi une forme gratuite. Alors, je crois qu'il y en a une demain dans les impromptus, mais c'est pas sûr parce que les impromptus, c'est impromptu justement. Alors ça c'est peut-être à 13h, chaque jour, enfin pas tous les jours, mais à 13h il y avait soit dans la petite salle Camille quand il fait pas beau ou bien quand c'est nécessaire, soit près de la tombe de Maurice Potter, des lectures, des formes particulières. Bon, aujourd'hui c'était une forme de une pièce lue de Julien Gaillard, mais ça a été aussi d'Angela Liddell. On en parlera, c'est une particulière Angela Liddell. Hein. Plus proche quand même de la haine que de l'amour de Maurice Potter. Ça c'est bien joué et bien lu, mais hard, on va dire. D'ailleurs, regardez sur internet, à Avignon, cette Catalane s'amuse un petit peu à faire scandale, mais elle a une sorte de, j'allais dire, de haine contre un peu tout, de révolte aussi, mais aussi de haine contre elle-même. Elle dit dans la pièce « Je vous salue Angela, pleine de merde ». C'est dire la considération. Ou bien elle se réjouit de la mort d'une famille qui veut bêtement à la plage. Elle dit une famille de moins. Bon, dans le genre de la haine ordinaire, des proches, c'est quand même il y a de l'humour. Là, je n'ai pas trouvé. Mais bon, c'est hard. Voilà. C'était une lecture. Alors, dans le cadre de ces lectures, dans le cadre de ces impromptus, il y aura le film sur le Brame des biches de Marion Aubert, qu'on va retrouver le soir aussi. Qu'on retrouvera aussi Marion Aubert dans Tumulte, la pièce de l'automne dont je reparlerai. Ça c'est car Simon Delta a décidé de faire une saison qui ne se limite pas à l'été, mais qui fasse fort l'automne. Et pour cela, il a pris le partenariat des associations locales de Bussan, d'Idéal 88. J'en reparlerai. Idéal 88 qui fait d'ailleurs un concert le 15. Un concert baroque à l'église, 15 septembre. Et là, ça sera le 13 octobre, un spectacle tumulte de Marion Aubert. Marion Aubert qui avait donc fait le Brame des Biches, alors c'était sur une saga des ouvriers textiles. Pierre Guillaume avait voulu qu'il parte, c'était donc en 2011, qu'il y ait une sorte de dommage aux ouvriers textiles. Moi-même, j'avais travaillé avec la Société d'Histoire Locale de Remiremont beaucoup sur la mémoire textile. C'était à l'époque où Jacques Lang était ministre de la Culture. On avait lancé toute une enquête sur la culture ouvrière et ça avait donné quand même beaucoup de choses. Et dans le musée du textile, d'ailleurs, c'est pas rien, hein, à Vintron, lancé par la Société d'Histoire Locale et avec des gens regrettés comme Pierre Elie, Jean-Pierre Joseph, voilà. Et pas des moindres, donc, dans cette histoire. Et moi-même, j'avais fourni donc, des documents, des enquêtes que j'avais fait auprès des ouvriers de la région du Tillot, notamment, qu'on avait enregistré. Et j'avais confié tout ça, d'ailleurs, à Marion Aubert. J'avais fait une pièce de théâtre, d'ailleurs, qui s'appelait Alda, ou les fleurs de soumission, qu'on a fait en 99. Pour la fête du parc. Et Marie Aubert a écrit donc une pièce aussi, beaucoup plus caustique, peut-être un peu moqueuse. Elle est caustique, Marie Aubert, très marrante. Bon, ça s'est pas mal discuté, notamment Pierre Pellot avait pris un petit peu la fourche, si je peux dire, en disant que la mémoire des ouvriers textiles et les ouvriers de la région, Vosgiens, n'étaient pas tellement respectés dans cette saga très marrante, beaucoup d'humour, mais bon, c'est Marion Aubert, elle est pétillante, on ne peut rien lui enlever. Voilà, alors ça, on aura justement le Brame des Biches, ce sera l'occasion de revoir ce Brame des Biches. Alors, projection gratuite dans les Impromptus, ce sera le dernier Impromptu de la saison, à 13h dimanche. Si c'est maintenu, je pense que c'est maintenu, parce que des fois, il y a des impromptus sont justement impromptus. Alors là, parmi les grands noms du Stade du Peuple, parmi les impromptus, il y en a un qui a été dédié à Jacques Ralit, et ça dure environ une heure, je ne vais pas vous faire écouter tout, je vais vous en faire écouter le début déjà, on verra la suite plus tard, dans d'autres moments de la saison. Puisque Jacques est mort en novembre, si je me rappelle bien, on y reviendra bien sûr, au moment de son anniversaire de mort. Jacques Ralit, qui a été un des amis du Théâtre du Peuple, ce qu'on ne sait pas trop ailleurs, ancien ministre, communiste, mais aussi un de ceux qu'on appelait les sages, qui ont été nommés en fin du XXe siècle, pour équilibrer un petit peu, pour donner un poids national au Théâtre du Peuple. Voilà. C'est toute une histoire, ces sages qui sont devenus maintenant les conseillers, même membres conseillers qui sont pas élus mais qui se renouvellent par renouvellement, voilà, par cooptation, voilà, et qui à l'époque ont été choisis l'équipe à l'époque du théâtre, notamment Jean-Claude Berruti et son adjointe dont la mémoire du nom m'échappe un peu à l'heure actuelle, voilà. Comme pas mal de choses d'ailleurs, puisque je devais vous donner, mais ça m'échappe pas, c'est moi qui les ai pas notés, je devais vous donner quelques précisions sur Jolie Môme, le château de Vence, et sur le plateau ivre, demain, je vais tâcher de le faire sur Internet tout de suite pendant que je vous fais écouter la séance consacrée à Jacques Ralit. Vous entendrez notamment, si j'ai bien cadré cette première séquence, bien sûr Simon Delétang, François Anciac, directeur du théâtre, président de l'association du théâtre, et metteur en scène à Paris. Vous entendrez également Vous aurez également Anthony Poupard, je pense. Et je pense un ancien sage aussi, Pierre Barra. Si c'est bien dans l'extrait que je vais vous donner. Bonjour à tous. Bienvenue donc pour cet hommage à Jack Ralit qu'on a souhaité organiser dans le cadre de ces impromptus du Théâtre du Peuple des week-ends. Mais il nous semble important de rendre hommage à cette personnalité à la fois politique et de la culture. Donc Jack Ralit qui fut ministre, maire d'Aubervilliers, fondateur des États généraux de la culture, mais qui fut avant tout un grand homme et un grand défenseur de la culture pour tous. On peut même dire qu'il a presque élevé la politique au rang d'art. Et c'est à travers cet hommage qu'on vous fait entendre quelques-uns de ses discours, pour que vous entendiez aussi sa verve et son sens du politique. Et l'art était pour lui aussi une forme de combat. Donc c'est quelqu'un qui a aussi été là au Théâtre du Peuple pendant 20 ans, puisqu'il était membre conseiller et qu'il a accompagné cette aventure. C'était un grand fidèle qui était là tous les ans. Il nous a quittés le 12 novembre dernier, donc on souhaitait lui rendre cet hommage aujourd'hui. Donc à mes côtés, François Rancillac, président de l'Association du Théâtre du Peuple, Anthony Poupard, comédien dans Littoral, Pierre Barra, qui a fondé la Comédie de l'Est et qui fut membre conseiller pour le Théâtre du Peuple aux côtés de Jack Ralit, Emmanuel Noblet, comédien qui joue également dans Littoral, Jean-Claude Berruti, qui fut directeur du Théâtre du Peuple et actuel conseiller pour le Théâtre du Peuple, entre autres choses, évidemment, je fais court. Richard Maungou, comédien dans Littoral. Guy Dumélie, qui fut l'adjoint de Jack Ralit à la mairie d'Aubervilliers et qui est actuel conseiller pour l'Association du Théâtre du Peuple. Et Waria Kaidari, qui est comédienne et qui joue dans Littoral. Donc nous allons vous proposer alternativement des paroles écrites par Jack Ralit et des témoignages des personnes qui l'ont côtoyé ici à Busson. Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Donc un petit texte que j'écris parce que je suis très piètre improvisateur. Non, c'est le papier qui vole. Le propre des vallées, c'est d'être entouré de hauteurs, de collines, de montagnes, comme ici à Busson. C'est complexe une montagne, c'est grand, c'est majestueux, mais ça peut être écrasant. Ça vous donne le sens de la hauteur, mais ça bouche aussi l'horizon. C'est protecteur, mais ça peut être enfermant. Ça vous enseigne l'humilité, mais ça vous invite aussi au défi, au dépassement. Grimper sur la montagne pour aller voir ce qu'il y a de l'autre côté et voir ailleurs si j'y suis. Si Maurice Potcher a conçu et rêvé le Théâtre du Peuple, c'est justement pour repousser l'horizon, selon sa belle formule. Pour que chacun et chacune puisse, par la force des mots et la grâce du théâtre, sortir de sa petite vallée intérieure, surmonter la peur et les découragements, dépasser les habitudes et les préjugés, prendre le risque de l'ailleurs, de l'autrement, pour s'agrandir l'horizon, pour déplacer les points de vue, pour découvrir d'autres possibles de vie à soi et avec autrui. Lors d'une de ces nombreuses crises de croissance, à la fin des années 90, Pierre Chan, petit-fils de Maurice Potcher et alors président de l'Association du Théâtre du Peuple, et Jean-Claude Berruti, alors directeur du théâtre, ont jugé vital d'inviter au cœur de l'association et de ses réflexions quatre personnes dites qualifiées pour leur expérience du monde du théâtre, pour leur engagement pour un théâtre d'art et de service public, dont le Théâtre du Peuple est à sa manière si singulière une des premières manifestations en France. Nous ont donc rejoint alors Michel Bataillon et Monique Blin, qui ne pouvaient être des nôtres aujourd'hui, qui vous saluent. Pierre Barra, ici présent, et donc Jack Ralit, auquel l'association que je représente désormais et l'équipe du théâtre qu'anime présentement Simon Delétang voulait absolument rendre hommage suite à sa disparition il y a quelques mois. Mes amis qui l'ont plus et mieux connu raconteront bien mieux que moi le parcours formidable et proprement extraordinaire de l'homme, c'est-à-dire de l'homme de culture et de politique que fut Jack Ralit. À titre personnel, je dois confesser la joie que j'ai eue à le rencontrer et à le retrouver lors de nos nombreuses réunions à Busson pour œuvrer de concert à l'avenir du Théâtre du Peuple. C'était une joie, vraiment, de prendre le train avec lui, Lui qui était un conteur né, toujours prêt à transmettre 1000 anecdotes vécues, 1000 expériences humaines, politiques, artistiques qu'il avait marquées, à transmettre aussi ses dernières émotions théâtrales, ses dernières découvertes en littérature, en histoire, en sociologie, etc. etc. Parce que Jacques était d'abord un homme du présent, curieux de tout ce qui s'écrivait et se pensait pour l'avenir. Cet homme qui avait les larmes aux yeux dès qu'il invoquait Robespierre, son maître en politique, Julien Gracq, Aragon ou Pierre Blanchard, etc. Cet homme qui avait tutoyé les grandes de ce monde, comme on dit, en art comme en politique, et demeuré aussi jusqu'au bout, animé par le goût et la curiosité des autres, aussi modeste soit-il, car Jacques était convaincu et sans aucune démagogie que chacun était expert de son quotidien, selon son expression, et que c'était bien à partir du très réel qu'on pouvait transformer la société. En tant que président de l'association, j'ai admiré, j'ai remercié cette manière très à lui, nourrie de son humanisme indéfectible et de sa vie de militant, de toujours savoir discerner l'issue au cœur des difficultés, de toujours parier sur l'avenir, même au plus tendu des crises. Avec ses trois compères, qu'on appelait affectueusement nos sages, aux côtés des directeurs successifs, et je salue Vincent Goethals qui est dans la salle, sous les arbres, au cours de ses 20 années de fidélité active, il a formidablement contribué par ses actes, ses paroles, ses citations de poètes, son humour, ses coups de gueule aussi, à permettre au Théâtre du Peuple de franchir les étapes, les épreuves et les bonheurs qui ont jalonné son bonhomme de chemin. Son action a été pour nous décisive pour élargir l'horizon du Théâtre du Peuple, qui est notre vallée, pour lui permettre de rayonner toujours plus et pour toujours plus de spectateurs et de spectatrices aussi divers qu'éclairés. Éclairés, c'est-à-dire critiques, exigeants, curieux, passionnés d'art et d'humanité, comme l'était Jacques Ralit. Merci beaucoup. Déclaration des droits de la culture, adoptée par les États généraux de la culture le 17 juin 1987 au Théâtre de Paris et proclamée le 16 novembre 1987 au Zénith à Paris. Assemblée en États généraux de la culture le 17 juin 1987 à Paris, artistes et créateurs de toutes disciplines, qui nous réclamons ici de notre seul attachement irréductible à notre art et à la culture de ce pays, nous lançons cet appel à notre peuple et à tous les peuples, aux artistes et aux créateurs du monde entier. Un peuple qui abandonne son imaginaire culturel à l'affairisme se condamne à des libertés précaires. Or, depuis des années en France, a été engagé et s'amplifie un processus qui nous fait craindre le pire. Trop souvent, l'encouragement nécessaire à la création contemporaine, signe extérieur et intérieur de richesse d'une nation, passe après l'exigence de la rentabilité que les industries culturelles publiques et privées poursuivent à travers l'insatiable marchandisation de la culture. Dans le même temps, l'effort de l'État pour préserver et développer la culture originale s'étiole et s'abandonne aux mêmes règles. Le gâchis des talents et inventions, la dévalorisation du statut des artistes et interprètes qui en résulte, accroissent d'année en année le chômage qui touche toutes les professions artistiques comme tant d'autres. Ce qui se passe au cinéma, au théâtre, à la télévision, à la radio, dans la danse, la musique, la chanson et le cirque, les arts plastiques, le graphisme, l'architecture, la photographie, la littérature ou la poésie nous confirment que ne sont pas en cause les talents, ils sont bien vivants, mais une volonté qui garde obstinément son cap, organiser le partage inégalitaire des êtres humains entre un petit nombre auquel la détention des avoirs et des pouvoirs conférerait la compétence artistique, et une immense multitude de consommateurs voués aux produits standardisés, venus pour l'essentiel d'un ailleurs sans visage et sans âme, otage culturel des audiences, tirage et sondage, en dehors de quoi rien ne serait permis. Dans un tel monde, les artistes ne seraient que des invités de raccrocs. contre cette formidable inversion des valeurs entre la culture et l'argent, contre le cynisme des décideurs, quels qu'ils soient, nous en appelons à un sursaut éthique de tout le monde des arts et des lettres. Nous proclamons qu'il n'y a pas dans une nation de valeurs culturelles capables de vivifier son passé comme de dessiner son avenir sans les incessantes trouvailles de la création artistique, sans la liberté de leur confrontation, sans la volonté d'en faire le bien commun des artistes et de leur peuple. À l'uniforme gris des ambitions mercantiles, nous opposons l'arc-en-ciel des sensibilités et des intelligences, l'ouverture plurielle à la culture des hommes et des peuples du monde entier. Depuis des mois, nous échangeons nos craintes et nos indignations, nos espoirs et nos convictions, dans la plus vaste rencontre d'artistes qu'on ait vue en France depuis des décennies, qui constitue en elle-même, pensons-nous, un événement considérable. Aujourd'hui, en sachant que rien n'est inéluctable, le temps nous paraît venu de faire entendre haut et fort les exigences les plus inaliénables du monde artistique. Ces exigences, elles s'appellent audace de la création, obligation de production, élan du pluralisme, volonté de maîtrise nationale, atout d'un large public, besoin de coopération internationale. Audace de la création d'abord, car au début est le créateur. Les marchands viennent ensuite, quand ils viennent. Réduire l'œuvre à un produit, c'est la détruire. Il faut donc poser, pour l'artiste comme pour le public, le primat de l'œuvre sur l'argent, afin d'émanciper l'imaginaire du pécuniaire. Obligation de production ensuite, car face à une liberté du marché qui trop souvent opprime, c'est l'obligation qui affranchit. Obligation nationale de production pour les entreprises publiques et privées de télévision et de radio. Obligation d'affecter une part de leurs ressources aux œuvres nouvelles pour les maisons d'édition et de phonogrammes. Obligation de commander et réaliser des créations contemporaines pour les établissements subventionnés. Élan du pluralisme en même temps, car rien ne vit qu'au pluriel. Pluralisme de la culture dans l'espace et le temps de la nation. Pluralisme des arts dont aucun n'est mineur quand rien ne le rapetisse. Pluralisme des esthétiques et des techniques, des goûts et des couleurs. Pluralisme qui ne vise pas au démembrement mais au décloisonnement, où chacun est soi en apprenant l'autre. Volonté de maîtrise nationale aussi, et singulièrement de la diffusion et de la distribution. Car que vaudrait un pluralisme de création mis au carcan du monopole de sa desserte? Susciter des circuits de distribution indépendants des multinationales comme de l'État est une condition de l'égalité des chances dans l'accès des œuvres à leur public. Atout d'un large public encore, avec lequel communiquer et chez lequel susciter. La décentralisation a longtemps exprimé cette tradition artistique française de la constitution d'un grand cercle de connaisseurs. Cette vraie dimension de la liberté des artistes est plus que jamais à conquérir. Besoin de coopération internationale, enfin, et notamment européenne, car l'identité culturelle de la France, à laquelle rien ne saurait nous faire renoncer, est, comme toute identité, d'autant plus riche que s'y croisent les patrimoines les plus divers. Mais pour se croiser, encore faut-il exister. Et c'est ce droit à la vie de notre personnalité culturelle que mettrait en cause un espace culturel européen où ne se croiseraient plus que les participations financières. C'est tout cela qui peut et qui doit donner corps à une responsabilité publique nationale en matière de culture, cette idée neuve en Europe. Une responsabilité publique et nationale qui permette de soustraire la culture de l'emprise des affaires, de répondre aux nouveaux défis de ségrégation révoltante, d'aller au-devant des désirs et plaisirs, des savoirs et vouloirs d'une société moins anonyme que jamais. Une responsabilité publique et nationale qui a besoin de moyens, qui exige par conséquent l'engagement financier de l'État comme la contribution des industries culturelles et appelle, nous en avançons l'idée, la généralisation des fonds de soutien qu'alimenteraient crédits publics et profits privés pour soutenir prioritairement la création contemporaine. Voilà ce que sont pour nous les ardentes exigences de la culture, à l'unisson, sans aucun doute, des aspirations de notre peuple, comme de tous les peuples. Bonjour. Je veux juste évoquer quelques souvenirs d'une de mes rencontres avec Jacques Ralit. C'est vrai que j'ai eu la chance de pouvoir plusieurs fois assister à des manifestations où il était là, la fête de l'humanité ou d'autres occasions. Mais il s'est trouvé tout à fait que par hasard, en 1975, au Festival d'Avignon, je me suis trouvé à partager la même table avec Jacques Ralit grâce à le directeur du Festival d'Avignon de l'époque. Et nous avons beaucoup parlé justement des difficultés, puisque j'étais dans la création du théâtre musical contemporain, des difficultés de rencontrer un public. Et évidemment, Jacques Ralit était très intéressé par ce problème. Et je lui dis que dans nos projets, il y avait l'idée que j'avais déjà expérimentée de monter une création de théâtre musical où des enfants participeraient d'une façon importante. Il m'a dit, ça m'intéresse, et il faudrait que nous en parlions avec Gabriel Garand, qui était directeur du théâtre de la commune d'Aubervilliers. En effet, ça c'est très important. Maire d'Aubervilliers, Jacques Ralit a eu toujours, dès le début, envie d'avoir un théâtre dans sa ville. Il n'y avait pas de lieu, une salle des fêtes, et pendant plusieurs années, ça a duré plusieurs années, pour arriver à vraiment avoir un bâtiment qui soit un réel théâtre où le public, non seulement d'Aubervilliers, mais de toute la région parisienne et de Paris, pouvait venir. Et c'est vrai que le théâtre de la commune d'Aubervilliers a été le premier centre dramatique en banlieue parisienne. Et il me dit, lorsque nous nous sommes rencontrés avec Gabriel Garand, il me dit, ben voilà, je suis tout à fait d'accord, et j'explique donc le projet. C'était Yves Prin qui devait écrire la musique de ce spectacle dont Marie-Noëlle Loriot avait écrit le livret. Et c'était l'île de la vieille musique. Et dans l'île de la vieille musique, il y avait 30 enfants qui jouaient avec les chanteurs engagés et l'orchestre. Enfin, les musiciens, parce qu'il n'y a pas vraiment d'orchestre. Et ce qui a été très important, c'est que pour former ces enfants, pendant 5 mois, nous avons travaillé avec l'équipe du théâtre de la commune d'Aubervilliers. Et ce spectacle a été donné dans le nouveau théâtre d'Aubervilliers, puisqu'il a été inauguré dans l'année 75. Mais ce qui a été tout à fait extraordinaire, c'est que, à l'occasion de ces séjours répétés que je faisais à Aubervilliers, eh bien, j'ai pu plusieurs fois manger avec Jacques Ralit, on a pu discuter, on a pu parler, on a pu échanger. Et pour moi, évidemment, ça a été très important parce qu'il m'a appris beaucoup de choses. Et parce que vous avez entendu un de ses premiers discours, il y en aura d'autres, et vous verrez que sa réflexion sur la culture était d'une telle richesse. Mais ce qui était extraordinaire, c'est que il venait, pendant que nous travaillions dans le théâtre, il venait assister à des répétitions, il s'asseyait, et puis tout d'un coup, même, il pouvait me dire, tiens, là, on pourrait peut-être, vous pourriez peut-être faire autre chose. Enfin bon, il était complètement intéressé par ce qui se passait sur la scène du théâtre. J'ai même appris une chose aujourd'hui, grâce à notre ami qui est là, qu'il aimait tellement son théâtre que quelquefois même, il aidait un peu à nettoyer s'il fallait lui-même. Donc ça vous donnait une idée tout à fait différente, plus simple, plus quotidienne de ce qu'était Jacques Ralit, et c'est ce que je voulais apporter dans ce témoignage. Merci. À Monsieur François Hollande, président de la République, Paris, le 13 février 2014. Monsieur le Président, par nos engagements culturels, artistiques et citoyens, nous sommes fidèlement attachés à la politique culturelle française que nous entendons voir se développer selon le principe d'invention de la perpétuelle ouverture. Or, nous constatons que cette démarche, après avoir marqué le pas, connaît notamment par la politique budgétaire de notre pays une situation s'aggravant de jour en jour. Beaucoup de ce qui avait été construit patiemment se fissure, voire se casse, et risque même de disparaître. Le patrimoine dans sa diversité, le spectacle vivant dans son pluralisme, sont en danger, faute de crédits suffisants, de personnel, de négociations, de considération et de reconnaissance du travail humain, de respect des métiers. Se répandent des malaises, des souffrances, des colères. Le ministère de la Culture tend à n'être plus le grand intercesseur entre les artistes et les citoyens. Il perd son pouvoir d'illuminer. Les collectivités territoriales, dont le rôle est devenu immense en culture et en art, voient leurs finances brutalisées et réduites par Bercy. L'Europe minore sa déjà médiocre politique culturelle, alors même qu'elle négocie avec les États-Unis un traité de libre-échange gravissime pour la culture. Google, l'un des accapareurs des nouvelles technologies à civiliser, limite les citoyens à n'être que des consommateurs et s'installe en Irlande pour ne pas avoir à payer d'impôts en France. Le travail dans les grandes entreprises culturelles financiarisées et malheureusement dans les services publics est tellement livré au management, à la performance, que les personnels se voient ôter leur capacité de respiration et de symbolisation et perdent leur singulier collectif. On a l'impression que beaucoup d'hommes et de femmes des métiers artistiques sont traités comme s'ils étaient en trop dans la société. On nous répond, c'est la crise. La crise ne rend pas la culture moins nécessaire. Elle la rend au contraire plus indispensable. La culture n'est pas un luxe dont, en période de disette, il faudrait se débarrasser. La culture, c'est l'avenir, le redressement, l'instrument de l'émancipation. C'est aussi le meilleur antidote à tous les racismes, antisémitismes, communautarismes et autres pensées régressives sur l'homme. Mais la politique actuelle est marquée par l'idée de donner au capital humain un traitement économique. Il y a une exacerbation d'une allégeance dévorante à l'argent. Elle chiffre obsessionnellement, compte autoritairement, alors que les artistes et écrivains déchiffrent et comptent. Ne tolérons plus que l'esprit des affaires l'emporte sur les affaires de l'esprit. On est arrivé à l'os et 50 ans de construction commencent à chanceler. Les êtres eux-mêmes sont frappés. Le compagnonnage humain s'engourdit. L'omniprésence de programmateurs et administrateurs met en état de dominance les artistes. Nous craignons le risque du pire dans la demeure culturelle. L'urgence est de stopper l'agression contre l'irréductible humain, là où la femme, l'homme, trouve le respect d'eux-mêmes et le pouvoir de reprendre force contre tous les raidissements normatifs, les coups de pioche, le mépris, l'arrogance. Il est temps, à ce moment brèche, d'accomplir la fonction du refus à l'étage voulu. Il y a besoin d'une nouvelle conscience, alors que croît la tentation de réduire la culture à un échange. J'ai produit, tu achètes. La culture se décline au contraire sur le mode nous nous rencontrons, nous échangeons autour de la création, nous mettons en mouvement nos sensibilités, nos imaginations, nos intelligences, nos disponibilités. La culture, c'est le nous extensible à l'infini des humains. Et c'est cela qui se trouve en danger et requiert notre mobilisation et notre appel en votre direction. L'histoire garde un geyser de vie pour quiconque a l'oreille fine et écoute éperdument. Encore faut-il renoncer au renoncement. L'homme est plein à chaque minute de possibilités non réalisées. Nous avons tous un pouvoir d'agir à mettre en marche. C'est avec ces idées en tête et au cœur que nous souhaitons, Monsieur le Président, vous faire part de notre vive inquiétude et vous demander de maintenir et de développer la politique culturelle. Un budget minoré pour ce travail indispensable serait grave. Même le surplace conduirait à des agios humains et politiques, à un freinage dans la culture. La politique culturelle ne peut marcher à la dérive des vents budgétaires, comme la politique sociale d'ailleurs, avec qui elle est en très fin circonvoisinage. L'inaccompli bourdonne d'essentiel, disait René Char. Nous vous prions de croire, Monsieur le Président de la République, en notre haute considération. On continuera cet hommage à Jacques Ralite dans une édition ultérieure. Bien sûr, et aussi une chanson qui lui aurait plu. Après une boucherie sans nom, un vieux militant communard écrivit cette chanson. Ça nous semble aujourd'hui bien ringard de chanter ainsi ses idées. C'est dans le sang qu'ils traçaient leurs mots et de leur mort naissait l'espoir. C'est la lutte finale, coupons-nous et demain, l'international sera le champ humain. C'est la lutte finale, coupons-nous et demain, pauvre fédéré, le monde avance à reculons. L'authentique internationale, c'est celle du fric et des cons. Privilège, indifférence, égoïsme, fin dans le monde, idée bafouée. Allons, courage, tout reste à faire. Nous sommes toujours des assiégés. C'est la lutte finale, coupons-nous et demain, l'international sera le champ humain. C'est la lutte. C'était le Béranger, bien sûr. qui a disparu il y a quelques années, Béranger, l'international. J'ai retrouvé le programme du plateau Ivre demain. C'est à 17h, Cirque en paysage par la compagnie Underclood de Nancy. Une grande table posée au milieu de nulle part, plante le décor, ciel bouge, ciel s'incline, c'est tout un monde qui bascule. Le spectateur est parachuté dans un vin d'honneur bucolique jusqu'à ce que le ton change, un chemin ponctué de situations incongrues. Avec des déséquilibristes, des danseuses aériennes, des acrobates, comédiens contorsionnistes, c'est le spectacle donc versant. Pause casse-croûte. Et puis après, les Strange Ladies, à 20h30, concert compagnie ISKBL, compagnie concert original hybride, une bande de filles et un projet original et décoiffant. Le chaînon manquant, attendu de nombreuses années, entre un cabaret berlinois inédit, les Raincoats, les Pretenders, Slap Happy, Art Burst, Jeanne Moreau, voire Brigitte Fontaine, ça je sais mieux dire. Voilà, avec trois actrices. Et entre les spectacles, le Cabinet de Curiosité, deuxième saison, par l'ami, le magicien Paturel, Pierre-Marie. Voilà, bien connu et bien sympa. Alors à demain, là. Et pour les jolis mômes, Château de Hans, j'ai vu qu'il jouait le 1er septembre à La Forge. Alors, je ne sais pas l'horaire non plus, je vais essayer de le trouver. Voilà. Et maintenant, je vous emmène à la fin de Don Juan et aux réactions sur Don Juan, qui a été le dernier Molière que j'ai vu et qui, vous verrez, c'est... Alors, je vous donne la fin de Don Juan. Si j'ai bien calé mon propos. Quelqu'un peut parler là ? Il a bien de l'air, ce me semble, du bon doucement de donner le dire. C'est quelque chose aussi à peu près de cela. Quoi, c'est lui ? Lui-même. Et depuis quand est-il dans cette ville ? D'hier au soir. Et quel sujet l'amène ? Je crois que vous jugez assez ce qui le peut inquiéter. Notre départ, sans doute. Le bonhomme en est tout mortifié, il m'en demandait le sujet. Et quelle réponse as-tu faite ? Que vous ne m'en aviez rien dit. Mais encore, quelle est ta pensée là-dessus ? Que t'imagines-tu de... C'est fort intéressant, mais c'est pas la fin, là. Je me suis un petit peu trompé. Je vais essayer de vous trouver la fin elle-même, voilà. Qui était... avec les réactions des spectateurs, car il ne me reste plus tellement de temps jusqu'à minuit. Bon, encore une erreur, je vous passe encore un peu de Béranger pendant ce temps. Une bouche qui s'ouvre comme un trou noir et qui n'a pas la force d'exhaler un cri. Je crois voir un vieillard au visage ridé. On me dit c'est un enfant, je n'en crois rien. Bras et jambes squelettiques. Bien, on va essayer, voir si je suis bien sur le bon enregistrement. Car, pour tout vous dire, amis auditeurs nombreux, entre mon ordinateur et celui de la radio, il y a une différence de lecture et, qui fait que je m'y perds un peu. Voilà. Et puis Marcus n'est plus là, voilà. Bon, mais c'est pas celui-là, donc c'est pas le donjon en question. Donc si c'est pas celui-là... C'est non plus pas celui-là, donc il y a une erreur quelque part là, dans l'enregistrement. Et je vais donc, en ce cas, revenir juste à un extrait.

pouvez vous figurer, mais par un pur motif de conscience, et pour ne croire pas qu'avec plus d'avantage je puisse vivre sans péché. Il m'est venu des scrupules, madame, et j'ai ouvert les yeux de l'âme sur ce que je faisais. J'ai fait réflexion que, pour vous épouser, je vous ai dérobé à la culture d'un couvent, que vous avez rompu des vœux qui vous engageaient d'autre part, et que le ciel est porte à nous de cette sorte de choses. Le repentir m'a pris, et j'ai craint le courroux céleste. J'ai cru que notre mariage n'était qu'un adultère déguisé, qui nous attirerait quelques disgrâces d'en haut, et qu'enfin je devais tâcher de vous oublier, et vous donner moyen de retourner à votre première chaîne. Voudriez-vous, madame, vous opposer à une si simple pensée que j'allasse en vous retenant me mettre le ciel sur les bras que... Ah, scélérat ! C'est maintenant que je te connais tout entier, et pour mon malheur, je te connais lorsqu'il n'en est plus temps, et qu'une telle connaissance ne peut plus nous servir qu'à me désespérer. Mais sache que ton crime ne demeurera pas infini, et que le même ciel dont tu te joues me sera vengé de ta perfidie. Scélérat, le ciel ! Vraiment, oui, nous ne nous convient de cela, nous sommes pas. Je n'en peux pas jouir davantage et je m'accuse même d'en avoir trop entendu. C'est une lâcheté que de se faire expliquer trop sa honte. Et sur de tels sujets, un noble cœur au premier mot doit prendre son parti. N'attends pas que j'éclate ici en reproches et en injures. Non. Non, je n'ai point un courroux à exhaler en paroles vaines et toute sa chaleur se réserve pour sa vengeance. Je te le dis encore. Le ciel te punira, perfide, de l'outrage que tu me fais. Et si le ciel n'a rien que tu puisses appréhender, appréhende du moins la colère d'une femme offensée. En fait, c'était donc la scène entre Elvire, qui est interprétée par un homme, et Don Juan, qui est interprété par un homme aussi. Et on a bien compris. Voilà, donc je n'ai pas ce soir les réactions du public que je vous avais réservées, qui étaient très intéressantes, je vous les réserverai pour la prochaine fois. Et là, on va terminer peu à peu cette émission. Un petit peu plus longue au départ, puisque elle a commencé plus tôt, avec cette excellente prestation de nos amis Marie-Noël et Serge sur le pêcheur de lune et le bateau ivre, pas le plateau ivre, mais c'est presque pareil. Voilà, dans quelques... je vous donnerai quelques informations en finale. Il est trop tard pour que je vous parle d'autre chose. Oui, je pense que je voulais vous parler de Lens aussi, c'est un peu tard, et je voulais vous parler aussi des rencontres auteurs amateurs qui ont eu lieu fin juillet, avec des débats, avec, bon là aussi c'était une soirée entière, je voulais vous en passer un extrait, ça ne sera pas le temps ce soir, bien sûr, c'est toujours ainsi, mais, sinon il y a des tas d'autres choses aussi, sur lesquelles je dois vous informer, sur lequel je dois vous parler, c'est notamment le feu du ballon qui a eu lieu, la fête du ballon, et puis contre Aix-et-Ville insolite, ça s'est passé en juin, et je n'ai encore pas parlé, pourquoi ? Parce qu'il y a tellement de choses importantes aussi, et également Fontenay-le-Château, la journée enfin, les voyageurs d'une nuit d'été de la semaine d'il y a trois semaines, voilà, pas de la semaine dernière, c'était bien plus vieux, et le prix Mattenay qui a été attribué sur une nouvelle ayant trait à l'intelligence artificielle, et c'est une jeune fille corse qui l'a eu. Je l'ai interviewé aussi. Tout cet ensemble, vous aurez droit dans le prochain magazine, dans 15 jours, avec d'autres éléments aussi qui vont s'enrichir dans ce fameux bal littéraire, bien sûr. Et puis dans le plateau ivre, demain. Je vous ai dit, je vous ai pas dit que le château de Hans avait la compagnie Jolimum, dont je vous ai passé un extrait, et je peux vous en passer aussi d'autres extraits ultérieurement, ça vaut le coup, va jouer fin août et début septembre, jusqu'au 1er septembre, le long du canal de l'Est, voilà. C'est-à-dire, ça commence à Cholouzé le 28, c'est bientôt le 28, hein, c'est lundi, à 20h, en plein air, et ça finit le 1er septembre, à la forge. Alors, tout le long, là, il faudra suivre dans le journal, j'ai pas tous les éléments du programme, c'est tous les soirs à 20h en plein air, et ça vaut le coup d'aller les voir. Tout à fait. Ben, je vous repasse un petit peu, pour finir, des extraits du disque qu'a fait un ami qui s'appelle François Risset. François Risset, dont la sœur était une actrice remarquable, d'ailleurs du Théâtre du Peuple. Annie Risset, décédée en 2002, qui avait joué notamment dans Ondine en 1992. Elle faisait la femme poisson. Et son frère, ben, c'est un auteur-compositeur qui venait nous voir il y a quelques années. On espère le revoir. Talentueux, voilà, on va finir avec lui, avec François Risset, au Signoret. Enfin, son disque, c'est au Signoret. Cubes etc. Novaya Disagest Oje. Et puis c'est ainsi que se termine notre belle soirée théâtrale essentiellement. Voilà, bonne nuit et à bientôt.